89.1. Cette semaine, au Mathieu Plancheau. Dans Termigine, la presse est privée d'épisodes de Game of Thrones pour éviter les fuites sur Internet. Selon ce que j'ai lu sur ces épisodes-là, les fuites que vous risquez d'avoir sont dans mon pantalon. Dans le segment Geek Célix, une auteure découvre que son prix littéraire de 150 000 $ était dans son dossier de courriel indésirable. Serment en question, les maudits messages pour faire grossir mon attribut masculin. Et dans Merci Science, les spermatozoïdes d'élevage s'attaquent à l'infertilité masculine au Mathieu Plancheau. Et voici celui qui élève le niveau de fertilité féminine juste en parlant, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 7 mars 2016, c'est la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie et médecine, merci science, et le segment geek Cénix. Plus tard, à la fin de l'émission, en fait, vers la dernière demi-heure, ce sera la chronique de jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre avec notre collaborateur Samuel Girard. Pour commencer, on va faire Television dans quelques instants, mais avant ça, un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et j'en ai choisi une belle ribambelle. Commençons avec Please Lose Battle et Goodbye Joy. Tout de suite, au Mathieu Plante Show sur Cifou. pièce Goodbye Joy par Please Lose Battle. C'est la première pièce de son nouveau maxi, maintenant sur cheapbeatsmusic.bandcamp.com. C'est fait dans Family Tracker avec de la vraie batterie et une vraie bass électrique enregistrée en studio. Voilà pour Please Lose Battle. Maintenant, c'est Television Television. Television, Television, la chronique dans laquelle on parle des nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Commençons au Québec avec la fin de Seagull. Oui, dans un article du Soleil. Après les parents, la théorie du chaos et les beaux malaises, voici qu'une autre comédie, Seagull, quittera les ondes de V à la fin de la saison. Donc, je cite, c'était bien sûr notre très bon ami Louis-Simon Pierre, truc patent de machin de non composé. Ok, pour les fans de Seagull, c'est fini après 3 saisons. Débrouillez-vous avec Yamaska et le chien de l'auberge noire, dit-il. Pour les fans et les non-fans de Sugar Sammy, je quitte ou je décolle enfin pour la France en septembre. Et ensuite pour le Canada et les États-Unis. Dernière chance jusqu'en juillet pour me voir en show ou me boycotter. Bonne chance avec votre province ou votre pays. N'oubliez pas de regarder les 3 derniers épisodes de ces gars-là ce soir. Grand hommage au référendum de 95. Bon, ça, c'est l'épisode de lundi passé. Donc, plusieurs cases horaires de fiction qui se libèrent pour l'automne et l'hiver. Outre les comédies, les séries Yamaska pour Sarah et les jeunes nous ne reviendront pas à la saison prochaine. Donc, bien sûr, Simon-Pierre Fecteau qui disait de regarder Yamaska. Ben, Colin, non merci. Pour ces gars-là, les propriétaires de condos doivent voir l'épisode de lundi dernier sur vtélé.ca. Donc, allez voir tout ça sur le site internet de V. Maintenant, après cette mauvaise nouvelle, la seule raison que j'ai mis ça là, c'était pour pouvoir compenser avec une bonne nouvelle après. La deuxième saison de Like Moi est confirmée. La série humoristique de Télé-Québec connaîtra une deuxième saison. Télé-Québec à être renouvelée pour une nouvelle saison n'est jamais chose certaine. On sait avec Marie-France Bazot qui perd son émission, on en parlait il y a quelques semaines. Par contre, l'humour à Télé-Québec semble très bien fonctionner. Plusieurs avaient crié au scandale lorsque la mouture québécoise de SNL avait été retirée des ondes après seulement une année. Et voilà que la découverte de cette saison, la série Like Moi a eu la chance d'être renouvelée pour une deuxième saison. Même si moi, je viens ajouter que SNL Québec avait aussi eu une deuxième saison. C'est une nouvelle qu'on accueille avec grand bonheur chez les fans, puisque Like Moi est certainement un des coups de cœur de bien des gens. La nouvelle a été annoncée de manière amusante sur la page Facebook de Télé-Québec avec une petite vidéo que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. Maintenant, on va à Radio-Canada pour parler de Tout.tv et 5 nouvelles web-séries à découvrir. 5 nouvelles web-séries ont été lancées cette semaine sur ici Tout.tv de Radio-Canada et sont offertes dès maintenant sur la plateforme. La vie n'est pas un magazine et certainement la nouveauté la plus éclatée, dit Radio-Canada, avec Catherine Trudeau et Léane Labrèche d'Or à l'animation. Contrairement à ce que dit le titre, il s'agit véritablement d'un magazine conçu pour les femmes de 25 à 35 ans qui va aborder des thèmes très actuels comme le couple, l'amitié, la sexualité ou encore l'argent, avec une foule de chroniqueurs variés comme Abeille Gélinas, Valérie Roberts, Debbie Lynch-White ou encore David Savard. Switch and Bitch est une série de filles aussi, dont la première saison était déjà diffusée sur le site de TV5.ca. Il s'agit d'une comédie qui suit les aventures d'une bande d'amis issus de la génération Y. La seconde saison de 5 épisodes est présentée en exclusivité sur Tout.tv. Les webséries jeunesse sont encore rares, nous dit-on, mais à ne pas faire à la maison va combler l'absence en s'adressant principalement aux 6 à 9 ans. La comédienne Jade Charbonneau va s'adresser à des experts afin de répondre à des questions posées par des jeunes, comme pourquoi est-ce que certains bonbons picotent sur la langue, ou peut-on effacer les dessins faits au marqueur sur une table, ou encore, c'était ça. 48 capsules de 4 minutes sont mises en ligne d'ici la fin de février 2017. Ensuite, pour le public un petit peu plus âgé, Barman suit les aventures d'Alex, joué par Martin Laroche, un ancien enfant vedette qui est obligé de se recycler en ouvrant un bar fréquenté par de nombreuses vedettes. La serveuse de bar Myriam, jouée par Sonia Cordeau, se moque complètement des vedettes et n'hésite pas à leur faire dire tout ce qu'elle pense. Une quinzaine d'artistes reconnus comme André Robitaille, Jacques Lheureux, Antoine Vézina et autres vont faire des apparitions spéciales dans cette série de 12 épisodes de 5 minutes. Enfin, L'écrivain public est une comédie dramatique de 9 épisodes de 8 minutes des plus prometteuses, nous dit-on. On suit les aventures de Mathieu, joué par Emmanuel Schwartz, écrivain public dans un quartier pauvre de Montréal. Dans l'exercice de son travail, il va rencontrer des personnages, oui, colorés et aux verbes acérés, même s'ils ne savent pas écrire. Le casting réunit Sandrine Bisson, Luc Sonnet, Joanne Fontaine et Denis Houle. On refuse de donner des statistiques sur le nombre de visionnements, mais la direction de Radio-Canada se dit satisfaite des codes d'écoute des séries qui sont déjà en ligne. On va au Canada. Vous le savez, vous savez peut-être, enfin, on en a parlé plusieurs fois ici, mais les forfaits télé à 25 $ qui entrent en vigueur au Canada. Les télédistributeurs canadiens proposent à leurs abonnés un nouveau forfait de base plus abordable, mais en fin de compte, on se demande si la facture sera réellement diminuée. Suite aux audiences publiques Parlons Télé qui se sont déroulées en 2013, le CRTC a annoncé en mars 2015 de nouvelles mesures imposées aux télédistributeurs canadiens. Les consommateurs frustrés devant une offre de forfait de base à des prix trop élevés et comprenant un grand bouquet de canaux non pertinents allaient être servis. Un nouveau forfait de base de 25 $ serait accessible à partir de mars 2016. Alors, maintenant, branchezvous.com nous dit, alors que nous entrons dans ce fameux mois de mars, les câbles aux distributeurs canadiens se sont mis au diapason et offrent le fameux forfait en question. Résultat, selon vos préférences et les conditions imposées par votre fournisseur de services, votre facture mensuelle risque de demeurer inchangée. Car nous sommes à l'ère de la télé numérique, disent-ils, ce qui signifie que vous avez besoin d'un décodeur numérique ou un récepteur pour profiter de ces services. Si plusieurs télédistributeurs se faisaient un plaisir de vous prêter le dit appareil gratuitement dans le cadre de votre abonnement, un changement de forfait pour ce que le Canada anglais nomme le Skinny Bundle fera disparaître cette gentillesse. Donc chez Bell, on propose le forfait de départ à 21,95 $, auquel s'ajoutent des frais mensuels de 3 $, ce qui fait 24,95 $. Toutefois, l'entreprise impose l'allocation d'un enregistreur HD comme récepteur pour 15 $ par mois. Donc, il est possible de louer un récepteur de base pour 7 $, mais Bell ne semble pas offrir cette option dans ce contexte-là. Du côté de Vidéotron, la mensualité passe à 25 $ pile, mais on n'impose aucun frais supplémentaire, outre à l'allocation d'un récepteur de base pour 7 $ par mois. Dans les deux cas, il est question de chaîne haute définition, parce qu'on est en 2016 et que ces entreprises le savent bien, dit Branchez-vous. La même situation se répète essentiellement chez les autres joueurs de l'industrie ailleurs au Québec et au Canada, avec comme point commun la location d'un récepteur pour environ 7 $ par mois. Bien entendu, on peut choisir d'acheter un récepteur ou un enregistreur auprès de notre fournisseur pour épargner les frais mensuels, mais ces appareils-là sont évidemment dispendieux, deviennent rapidement désuets et fonctionnent exclusivement avec un seul télédistributeur. Au final, vous aurez donc à payer 25 $ par mois en plus de l'allocation de votre récepteur et des frais de 3 $ par chaîne additionnelle. Est-ce que c'est vraiment plus abordable? Les Canadiens qui souhaitent réellement payer moins cher pour regarder la télé peuvent se tourner vers l'option gratuite. Si vous habitez à proximité de Montréal ou d'autres métropoles canadiennes, vous avez besoin seulement d'une antenne UHF, donc des oreilles de lapin. La fameuse campagne publicitaire de 2011 annonçant la fin de la transmission des signaux télévisuels analogiques a sans doute laissé croire que ça signifiait qu'on était obligé de s'abonner à un câble distributeur pour continuer de regarder les chaînes généralistes. Pourtant, c'est faux, nous dit Branchez-vous. Depuis le 31 août 2011, les principaux télédiffuseurs au Canada sont contraints de diffuser un signal numérique en haute définition sur la même bande UHF qui était autrefois employée pour capter la télé analogique. Donc, Radio-Canada, CBC, CTV, Global, Télé-Québec, TVA et V peuvent être captés en HD sans avoir à payer quoi que ce soit. Le reste de l'article est sur assemblagerequis.com. Viceland, la nouvelle chaîne télé de Vice Media, a été lancée récemment. La chaîne dont la venue avait été annoncée cet automne résulte d'un partenariat avec les réseaux A&E aux États-Unis et Rogers au Canada. Rappelons que les affaires vont bon train chez Vice Media depuis 3 ans et que le groupe se trouve en pleine expansion, nous dit InfoPresse. En effet, Rupert Murdoch de 21st Century Fox a investi $70 million contre 5% de l'entreprise en 2013. A&E a acquis depuis 2014 à hauteur de 15% de l'entreprise et a depuis annoncé que sa chaîne télé H2 deviendrait Viceland aux États-Unis. Disney a également investi $400 million à la fin de 2015. Viceland offre du contenu à teneur culturelle dans le même ton que celui proposé par ses autres plateformes. Sa grille comprend 30 séries produites par Vice. Elle porte entre autres sur le voyage, l'alimentation et la marijuana. La programmation est supervisée par le réalisateur Spike Jonze, également co-président de Viceland. Pour les informations, le site de Vice est vice.com. Il y a une section canadienne à l'intérieur de ce site. Les femmes sont largement sous-représentées dans les médias, nous dit l'agence France Presse, notamment parmi les experts invités, selon le premier rapport annuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le sujet, présenté à l'occasion évidemment de la Journée internationale des droits des femmes. Je cite « Globalement, les femmes sont moins représentées à l'antenne que les hommes. Le CSA a analysé les données fournies par 40 des principales chaînes de télé et stations de radio en 2015. » Le régulateur de l'audiovisuel constate surtout une sous-représentation des femmes en tant qu'experts, intervenants et invités politiques. Dans la presse, 2015 a même marqué un recul pour la visibilité des femmes, selon un rapport de la plateforme publié récemment. On ne compte que 15,1% de femmes dans le classement général des 1000 personnalités dont la presse a le plus parlé en 2015, un chiffre en baisse par rapport à 2014. La présence des femmes à l'antenne est pourtant très importante pour l'image que les femmes et les hommes ont de la norme, a déclaré à l'agence France Presse la conseillère au CSA en charge du rapport. Je cite, il faut absolument rééquilibrer cette image-là, sinon les femmes, elle dit des filles, continueront à penser que même avec leur diplôme, elles ne peuvent pas avoir le même travail que les hommes. Le rapport pointe notamment les émissions de France 5, C'est dans l'air, qui n'a fait appel en 2015 qu'à 25% d'expertes, et C'est politique, avec 19% d'invités politiques. Le taux d'expertes tombe même à moins de 20% pour la chaîne Canal+. Il y a cependant autant de femmes que d'hommes parmi les présentateurs et journalistes à la télé, voire plus sur certaines chaînes comme France O ou encore Paris Première. Concernant les chaînes d'info, la proportion des femmes dans les catégories experts, autres intervenants ou invités politiques ne dépasse pas 30% en moyenne. France Télévisions, qui doit être exemplaire, selon Sylvie-Pierre Brossolette, s'est engagée à avoir 35% d'expertes dans ses émissions avant la fin 2016. Le groupe public associé à Radio France et à l'agence de formation Egalis avait déjà lancé un annuaire gratuit censé faciliter la tâche des journalistes, qu'on appelle le guide des expertes. Les radios, de leur côté, semblent éprouver plus de difficultés à mettre les femmes à l'antenne en France, notamment RMC avec 17% de présentatrices et animatrices. France Inter n'a par exemple invité que 20% d'expertes dans sa matinale. Vous allez voir le reste des chiffres sur assemblagerequis.com. Maintenant, on va aux États-Unis. 60 Minutes se confond Margaret Trudeau avec Kim Cattrall de la série Sex à New York. Le prestigieux magazine d'actualité 60 Minutes de la chaîne américaine CBS a commis une sérieuse bourde lors de la diffusion d'un portrait du premier ministre Justin Trudeau. Le reportage, en grande partie élogieux, a été présenté en prévision de la visite du nouveau leader canadien à Washington, où il serait l'invité d'honneur de la Maison-Blanche à un grand banquet donné par le président Barack Obama. Mais le portrait de 60 Minutes comportait une erreur qui n'est pas passée inaperçue aux yeux d'attentifs téléspectateurs canadiens, qui ont aussitôt rapporté la gaffe sur Twitter. Plusieurs messages publiés sur le populaire site de micro-blogage ont en effet souligné qu'alors que le journaliste de CBS parlait des parents du premier ministre, Pierre Elliott et Margaret Trudeau, l'émission a montré à l'écran une vieille photo de Pierre Elliott lors d'une sortie avec l'actrice Kim Cattrall en 1981. Monsieur Trudeau n'a pas immédiatement commenté l'affaire, mais Madame Cattrall a semblé prendre la chose avec humour en écrivant, je cite, « J'ai un fils qui est premier ministre du Canada. Je ne pourrais pas être plus fier. » François Arnault va être en vedette sur NBC. L'acteur québécois François Arnault, qu'on a vu dans Yamaska et The Borgias, entre autres, s'est vu confier le rôle principal du pilote d'une nouvelle série dramatique sur NBC, Midnight Texas. Selon Deadline, l'acteur jouera le rôle de Manfred Bernardo, un jeune voyageur qui s'établit dans une ville où le voisin peut autant être un vampire, un sorcier, un loup-garou ou un ange. Aucune date de diffusion n'a pour l'instant été confirmée. On en reparlera. Toujours aux États-Unis, une nouvelle série d'horreur sur AMC qui s'appelle The Terror qui s'en vient. La chaîne a donné donc son feu vert pour l'adaptation du thriller The Terror. Le livre écrit en 2007 par l'écrivain américain Dan Simmons raconte le voyage tragique de Sir Franklin en Atlantique. L'expédition britannique visant à rechercher le passage du Nord-Ouest est menée par le capitaine John Franklin en 1845 sur le HMS Erebus et le HMS Terror. Attaqué par une mystérieuse créature et coincé dans les glaces, les marins disparaissent les uns après les autres. David Gajnik de True Story et A Bigger Splash est en train de rédiger le scénario de la série. Il sera par ailleurs derrière la caméra aux côtés de Su Yu de The Whispers et The Killing. La chaîne AMC a déjà commandé 10 épisodes d'une heure chacun. The Terror sera diffusé en 2017. Le gérant des Beatles va être au cœur d'une série télé. Brian Epstein, le gérant des Beatles, sera bientôt au cœur d'une série télé, une série biographique qui retracera en quelques épisodes la vie de cet impresario de Liverpool à l'origine du succès planétaire du groupe de rock. Avec l'aide du roman graphique The Fifth Beatle, The Story of Brian Epstein, annonce la société de production Sonar Entertainment. Monsieur a découvert les Beatles en novembre 61 lors d'un concert que les Fab Four donnaient au Cavern Club de leur ville natale. Alors responsable d'un magasin de musique, il va devenir leur gérant et leur permettra de décrocher un an plus tard un contrat chez Parlophone, une division de EMI. Celui qui a fait opter un look plus sage, gentleman et transgénérationnel à John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison a disparu en 1967 à l'âge de 32 ans à la suite d'une surdose de barbiturique. Sa brillante carrière n'a jamais sauté à Brian Epstein, ses complexes enfouis depuis son plus jeune âge. Son homosexualité l'a poussé vers des surconsommations d'alcool et de drogue en tout genre, ce qui a causé sa mort alors que son groupe se trouve à son apogée artistique. La série va s'appeler The Fifth Beatle, The Story of Brian Epstein, s'appuiera sur ce roman graphique de Andrew C. Robinson, Carl Baker et Vivek J. Tiwari, paru en 2013. Ce dernier signera d'ailleurs le scénario de l'adaptation au petit écran. Depuis sa sortie, l'ouvrage attise toutes les convoitises. Envisagé pour une déclinaison au cinéma juste avant sa sortie, le livre a également intéressé en 2015 le producteur anglais Simon Cowell. Cette version télévisée s'ajoute à un projet similaire dédié au grand écran A Life in the Day. Donc, vous pouvez aller voir les détails sur ça sur, encore une fois, assemblagerequis.com. Jimmy Kimmel va animer le gala télévisé des prix Emmy qui sera présenté en septembre. Le réseau américain ABC l'a annoncé récemment que lors de son talk show de fin de soirée Jimmy Kimmel Live agirait de nouveau comme maître de cérémonie pour la soirée des prix Emmy. La réaction de M. Kimmel, je sens que je vais être formidable. C'est la deuxième fois que Jimmy Kimmel se retrouve aux commandes du gala, lui qui l'avait animé pour la première fois en 2012. La série sera diffusée le 18 septembre depuis le Microsoft Theater à Los Angeles et les nominations seront dévoilées le 14 juillet. Maintenant, grosse nouvelle, CBS s'apprête à faire revivre Charmed. CBS plancherait sur une relance de la série, mais sans la distribution originale. L'information qui a fuité sur Internet a été confirmée sur Twitter par une ancienne actrice de la série, Alyssa Milano. Contrairement aux autres séries qui ont fait leur retour récemment, CBS exclurait les vedettes de la première heure pour Charmed. Si David Duchovny et Gillian Anderson ont récemment repris leur rôle pour The X-Files, Alyssa Milano, Shannon Doherty et Holly Marie Combs seraient écartées du projet, pour l'instant du moins. Même si elles ne tiennent plus les rôles principaux, rien n'empêche une réunion du trio sous la forme d'un clin d'œil de caméo. Rien n'est dit que par ailleurs, si CBS reprendra l'histoire originale de Charmed, de celle des trois sœurs Halliwell, Prue, Piper et Phoebe, qui se découvrent des pouvoirs surnaturels à la mort de leur grand-mère. La chaîne pourrait choisir de nouvelles héroïnes et un nouveau décor que leur manoir de San Francisco. Diffusé de 98 à 2006, Charmed a connu un succès phénoménal aux États-Unis. À partir de la quatrième saison, Shannon Doherty, qui avait demandé à quitter la série, a été remplacée par Rose McGowan dans la peau de Paige, leur demi-sœur. Des histoires animées maintenant dans le Blu-ray de Trône de Fer. L'édition Blu-ray de la cinquième saison de Trône de Fer sur HBO comprendra des vidéos animées dans ses bonus. Les histoires qui seront proposées dans les bonus sont racontées par les acteurs de la série eux-mêmes. Elles concernent directement leurs personnages et permettent un éclairage supplémentaire sur leur caractère et leurs actions à travers le récit d'un événement passé non vu dans la série ou d'une légende. Deux vidéos ont déjà été dévoilées sur Internet. La première, comptée par Sir Barristan Selmy, joué par Ian McKellen, raconte son passé avec la chute du roi fou Eris. Pour la seconde, c'est le très mystérieux Jaqen S'Gar, je sais pas comment on prononce ces trucs-là, incarné par Tom Vlachia, j'ai aucune idée comment on prononce aucun des noms. Mentor derrière Stark dans sa quête de vengeance, qui prend la parole pour présenter sa religion et son dieu aux multiples visages. Le coffret Blu-ray de la cinquième saison du Trône de Fer sortira le 14 mars et les fans devront ensuite patienter jusqu'au 24 avril, le début de la diffusion américaine de la sixième saison, pour retrouver leurs nombreux personnages préférés avec des noms que je préfère ne pas nommer. Donc allez voir les vidéos disponibles sur la page d'assemblagerequis.com. Toujours chez Game of Thrones, particulièrement échaudé par les fuites des premiers épisodes de la saison 5 de l'année dernière, la chaîne HBO a pris la décision de ne pas fournir à la presse des habituelles copies de preview, donc d'avant-goût délivrées les années précédentes. La saison 6 de Game of Thrones se prépare pour le 24 avril, non seulement aux États-Unis, mais également dans le reste du monde, grâce à une diffusion synchronisée. Mais cette année, personne n'aura la possibilité de découvrir les premiers épisodes avant leur diffusion, comme c'était le cas auparavant. En effet, précédemment, HBO fournissait à la presse un accès aux premiers épisodes via une plateforme sécurisée en ligne, pour permettre aux médias d'écrire sur la saison en amont de sa diffusion. Seulement, les débuts de la saison 5 ont été entachés par la distribution illégale des 4 premiers épisodes via des réseaux peer-to-peer, quelques heures seulement avant la diffusion légale, cette fois-ci, du premier épisode. Compte tenu de la popularité de la série, les épisodes s'étaient très rapidement propagés sur les canaux de téléchargements illégaux, malgré une piètre qualité d'image. Au programme du 480p, avec en prime un watermark flouté, à la qualité dégradée, à la présence d'inscriptions sur l'image, deux marques distinctes d'une copie de presse, il n'en a pas fallu plus pour que HBO se tourne vers les médias ayant bénéficié d'un accès en primeur aux épisodes en vue de trouver l'auteur de la fuite, mais ils n'ont pas réussi. Désireuse de ne pas prendre de risque cette année, la chaîne américaine a donc décidé de ne pas proposer du tout de version avant-goût aux médias. Ils n'enverront pas d'exemplaires de presse du tout cette année. Nulle part dans le monde, il n'y aura pas de preview, ont-ils déclaré à Entertainment Weekly. En faisant ça, HBO s'assure a priori de ne pas voir fuiter les premiers épisodes avant leur diffusion. Dans le même temps, la chaîne américaine sait parfaitement que cette situation n'empêchera pas les médias de parler de la série, qui alimente chaque année de nombreux magazines et sites web durant sa diffusion. Mais cette démarche n'évitera pas cependant que la série soit encore massivement piratée cette année. Comme c'est le cas depuis le début de la diffusion de Game of Thrones, c'est en effet un carton sur les plateformes de peer-to-peer chaque année, malgré les efforts de HBO pour tenter d'endiguer le problème. En 2015, le réseau américain avait mandaté l'entreprise IP Echelon, une firme spécialisée dans le repérage d'adresses IP, pour trouver les internautes ayant piraté la série. Des requêtes de suppression de liens pirates avaient également été massivement envoyées à Google pour que le tri soit fait dans les résultats de recherche du moteur. Enfin, le service de vidéo en direct Periscope avait été la cible de la traque de HBO. En 2015, Game of Thrones occupait encore la première place du podium des séries les plus téléchargées en peer-to-peer, un classement réalisé par Torrent Freak qui ne tient pas compte des lectures en streaming illégales. Les efforts de HBO n'avaient donc pas vraiment payé. En sera-t-il de même cette année? C'est ce qu'on se demande. Moi, je pense que d'empêcher ces trucs-là, ça sert à rien. On se met le laisser aller. De toute façon, les gens vont aussi regarder HBO quand même. Les gens qui veulent pas payer le 10-15$ pour HBO le paieront pas de toute façon. Ah, ils vont le trouver ailleurs. Arte, maintenant! On revient en France, on a fait un petit séjour en France en début de chronique parce que j'ai mal classé mes affaires, mais dans ce cas-ci, je le sais, on s'en va à l'international en France, en France et en Belgique. à Arte qui parie sur l'info pour améliorer son image et son audience. Moins de documentaires historiques ou de soirées thématiques pointues, plus d'actualités dans des formats innovants. La chaîne franco-allemande, pardon, j'ai dit belge, c'est allemand. Arte mise désormais sur l'info pour s'ancrer dans le présent, une stratégie qui semble payante en termes d'audience. L'idée est de sortir la chaîne du passé, de la ramener dans le présent, voire dans l'avenir, tout en décryptant et en conservant un regard décalé, nous résume le directeur de l'information de la chaîne culturelle installée dans des locaux modernes et lumineux à Strasbourg, à 300 mètres du Parlement européen. Depuis 2012, le journal télévisé quotidien, réalisé par une équipe binationale composée pour la moitié de Français et d'Allemands, n'est plus doublé. Donc, deux versions, une française, une allemande, sont programmées à des heures décalées, à 19h10 en Allemagne et à 19h45 en France. Même si les présentateurs diffèrent, le défi reste de faire le même journal pour les deux pays. Sinon, c'est tout l'esprit d'Arte qui serait mis à mal, mais on peut adapter certaines choses pour l'un ou l'autre public pour être plus clair. Avec ces deux journaux télé quotidiens, son JT pour enfants, une innovation encore rare à la télévision française, et ses reportages long format sur la crise des migrants ou sur le financement de Daesh, Arte est de moins en moins la chaîne de l'histoire et de plus en plus dans le présent, confirme l'historienne et sociologue des médias, Isabelle Vieira-Masson. En termes d'audience, l'évolution est perceptible. En moins de 4 ans, Arte Journal, le journal télé du soir, est passé de 1,7 à 2,6% de part de marché en France, soit près de 580 000 téléspectateurs en moyenne. Un succès qui a tiré vers le haut l'audience globale de la chaîne, 2,2% de part de marché en France. Le reste des détails, encore une fois, sur assemblagerequis.com. Et pour terminer, on va sur Internet où Amazon lance sa première émission en direct. L'émission Style Code Live, tournée à New York, sera diffusée tous les jours du lundi au vendredi à 21h, heure locale, pour la côte est des États-Unis et pour nous aussi. Elle est animée par 3 jeunes présentateurs, 2 femmes et un homme, qui proposeront des séquences sur les nouvelles tendances, des produits et des conseils vestimentaires ou beauté. Les produits présentés seront disponibles à la vente sur le site, évidemment, d'Amazon, et un forum de discussion sera ouvert pour permettre aux téléspectateurs de dialoguer. L'émission accueillera des invités, notamment la blogueuse mode américaine Danielle Bernstein ou la chanteuse américaine Meghan Trainor. Jusqu'ici, Amazon ne proposait que des programmes scénarisés, films, séries et dessins animés via son offre Amazon Prime, qui n'est malheureusement pas disponible au Canada. Hein, quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Le géant d'Internet ne communique pas de chiffres sur le sujet, mais le cabinet Consumer Intelligence Research Partners a estimé que le nombre d'abonnés à Prime atteignait 54 millions à la fin de décembre 2015. Évidemment, Prime Vidéo n'est qu'une portion de Prime. Prime, en tant que tel, sert à faire livrer des colis plus rapidement. Donc, les 54 millions ne sont pas des téléspectateurs nécessairement. Amazon a récemment élargi son offre sur Prime en proposant un programme en partenariat avec le New Yorker Magazine qui met en image certains articles les plus marqués de la revue. L'émission en direct Style Code Live sera, elle, accessible gratuitement à tous les internautes, qu'ils soient membres de Prime ou pas. Elle constitue également un nouveau signe de l'orientation stratégique d'Amazon qui a fait de la mode l'une de ses priorités. Voilà pour Television Television, annoncé avec les codes d'écoute pour la semaine du 15 au 21 février. Commençons par le top 10. Top 15, je dis tout le temps top 10. C'est top 15 à 6 en rafale. Rupture, les enfants de la télé, La Voix, tout le monde en parle. Vlog, Mémoire vive, Au secours de Béatrice, Accès limité, Oh et LOL. En 5e, Les Pays d'en haut. En 4e, Yamaska. En 3e, Les Beaux malaises. En 2e, Unité 9. Et en première place, avec 2 679 000, c'est La Voix, bien sûr. Du côté du Canada anglophone, 15 à 6 en rafale, Code Black, Grey's Anatomy, The Amazing Race, The Flash, Hawaii Favo, Castle, CTV Evening News, Blue Bloods, NCIS New Orleans et Lucifer, la nouveauté. En 5e, Survivor, en 4e, NCIS, 3e, The X-Files, 2e, Grammy Awards et en première place avec 4 186 000, on parle de The Big Bang Theory. Voilà, c'est tout. Le lien vers ça et tout le reste sur assemblagerequis.com. Maintenant, on s'en va en chiptune. On s'en va entendre en fait un remix d'une chanson de J-Red, un habitué de l'émission, mais reprise cette fois-ci par Dia Gamblik. Hein? Voici PSG Strut. MPS, le Mathieu Plante Show sur Cif. C'est fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. The Wizard's Path par Pixel Dragon. Avant, c'était J-Red, repris par Diane Gablick avec PSG Strut au Mathieu Plante Show. Maintenant, ben c'est Merci Science. Merci Science, la collègue dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons avec un grand pas en avant à McGill sur les sursauts radio rapides. Depuis qu'ont été détectés les tout premiers sursauts radio extragalactiques il y a une dizaine d'années, ils sont demeurés un mystère pour la science. Ces sursauts radio rapides, SRR, sont des ondes radio d'une durée de moins d'un millième de seconde en provenance de l'extérieur de la galaxie. Personne ne sait réellement ce qui les émet ou d'où ils viennent, mais de nouvelles recherches effectuées en partie par l'Université McGill ajoutent une pièce au casse-tête en suggérant la possibilité que le phénomène se répète. Selon la directrice de l'Institut spatial de McGill, Vicky Caspi, une découverte de cette importance est très rare en science. C'est l'un de ces très rares moments où l'on peut crier « Eureka ». Un doctorant de l'université, Paul Schultz, a fait la découverte en novembre dernier durant ce qui devait être un projet d'analyse de données de routine. En parcourant des données captées par un radiotélescope à Porto Rico, M. Schultz a remarqué que l'un des signaux captés était particulièrement clair et qu'il était identique à un autre signal enregistré précédemment provenant du même endroit. Je cite « Je suis devenu tout excité quand j'ai vu ça, je savais que c'était un grand pas en avant, une grosse affaire ». Alors que ses collègues se réunissaient autour de son ordinateur, M. Schultz a trouvé 9 autres répétitions du signal, toutes de la même source. Cette découverte pourrait grandement contribuer à expliquer ce que sont ces signaux et d'où ils viennent. Ça pourrait avoir un grand impact sur la compréhension humaine de l'univers. Les scientifiques savent que ces signaux sont communs, pouvant se reproduire des milliers de fois par jour. Ils traversent d'énormes distances cosmologiques. Leur source est également très puissante. Mais, puisqu'ils semblent être des événements uniques, on croit qu'ils sont causés par des événements cataclysmiques comme une explosion ou une collision d'étoiles. Toutefois, de tels événements ne pourraient causer des signaux répétés comme ceux qu'a vu M. Schultz. À présent, Vicky Caspi et ses collègues explorent avec fébrilité les nouvelles possibilités. Article de la presse. Au laboratoire, des chercheurs italiens ont stimulé les performances cognitives et la mémoire de souris grâce à la stimulation transcrânienne à courant direct. L'homme pourra-t-il lui aussi améliorer ses capacités intellectuelles par l'électrostimulation? La plasticité cérébrale est la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions entre neurones. Elle joue un rôle fondamental dans les apprentissages et la mémoire. Aussi, il serait intéressant de stimuler cette plasticité du cerveau pour améliorer la mémoire des individus. C'est peut-être ce qui sera bientôt possible par des stimulations électriques du cerveau. Dans une recherche parue dans Scientific Reports, des chercheurs de l'Université catholique de Rome ont étudié les effets de la stimulation transcrânienne à courant direct, le TDCS, sur la plasticité cérébrale de l'hippocampe, une région du cortex importante pour la mémorisation. La TDCS est une technique non-invasive de stimulation cérébrale qui utilise 2 électrodes placées sur le crâne et délivrant un courant électrique de très faible intensité. Alors que la TDSC a été utilisée pendant des années pour traiter les patients souffrant de troubles comme l'AVC, la dépression ou le trouble bipolaire, peu d'études se sont intéressées au lien entre ces techniques et l'amélioration de la plasticité cérébrale. Après avoir exposé des souris à des sessions de 20 minutes de TDCS, toujours envie de dire TDSC, je sais pas pourquoi, les chercheurs ont vu des signes d'amélioration de leur mémoire et de leur apprentissage pendant au moins une semaine. Oui. Les souris ont amélioré leur performance dans des tests où elles devaient se déplacer dans un labyrinthe d'eau et distinguer des objets connus ou inconnus. L'équipe a aussi découvert une augmentation de la plasticité cérébrale dans l'hippocampe et de la production de protéines, donc BDNF pour Brain-Derived Neurotrophic Factor, une neurotrophine fabriquée par les neurones essentielle au développement neuronal et au contrôle de la plasticité synaptique. La stimulation de la plasticité cérébrale se faisait grâce à la régulation épigénétique de l'expression de BDNF et par une activation de sa transcription. Ces résultats suggèrent que l'électrostimulation améliore la mémoire par un remodelage de la chromatine au niveau des séquences de régulation du BDNF, conduisant à une augmentation de l'expression de son gène. La TDCS permet donc d'imaginer de nouvelles thérapies pour renforcer l'apprentissage et la mémoire des différents troubles, comme la maladie d'Alzheimer. La conduction des électrons dans un solide ressemble par certains aspects à l'écoulement d'un fluide. Des expériences et considérations théoriques issues de la physique quantique laissent penser pour la première fois que ce fluide peut aussi devenir turbulent dans un matériau précis, le graphène. Ces découvertes devraient aider à l'avènement d'une nouvelle électronique. Il y a 12 ans environ, en 2004, André Geim et son collègue Konstantin Novoselov firent la découverte du graphène, ce matériau miracle dont l'épaisseur est celle d'un atome de carbone et qu'on obtient en séparant ingénieusement les feuillets du graphite composant la mine de nos crayons. Ils remportent le prix Nobel de physique en 2010 pour leurs expériences et 3 ans plus tard, la Commission européenne annonce le financement à hauteur d'un milliard d'euros sur 10 ans des recherches sur le graphène. Aujourd'hui, ce matériau continue de faire rêver les ingénieurs, mais aussi les physiciens du solide. Possédant une résistance à la rupture 200 fois supérieure à celle de l'acier, le graphène pur est aussi 6 fois plus léger. Il est également un remarquable conducteur. On peut s'en servir en le modifiant pour faire des semi-conducteurs et d'autres matériaux pour l'électronique. On attend de lui de nouveaux ordinateurs plus petits, plus rapides, moins gourmands en énergie, ainsi que le développement d'une électronique ultra plate sur des feuilles qu'on peut rouler comme du papier. L'Université de Manchester, lieu de la découverte du graphène, est bien consciente de son potentiel. Elle a mis en ligne toute une série de vidéos explicatives détaillant les propriétés du graphène et ses applications déjà réalisées ou à venir. Les physiciens doivent continuer pour concrétiser les rêves issus du graphène et d'étudier ses propriétés. En dernière analyse, celle-ci découle de la mécanique quantique, notamment lorsqu'on étudie la conduction électrique dans le graphène ou les matériaux qui en dérivent. Il existe cependant des modèles issus de la physique classique, par exemple pour expliquer la résistance électrique où les électrons sont comme des particules dans un gaz ou un liquide qui s'écoule sagement entre des atomes et des défauts dans un réseau cristallin. Les chocs contre ces atomes et ces défauts dévient les électrons à la façon des collisions entre boules de billard. C'est ce phénomène de résistance au mouvement qui explique la fameuse loi d'Ohm, reliant le courant dans une résistance à une différence de potentiel à ses extrémités. Toutefois, une analyse serrée du phénomène montre que les choses ne sont pas si simples et que, pourtant c'était pas si simple, et que seule une approche quantique rend correctement compte de ce qui se passe avec la conduction électrique. Cependant, qui dit quantique dit aussi occurrence de phénomènes surprenants qui tiennent de la magie dans un monde supposément classique. Les physiciens Leonid Levitov et Grigory Falkovich, respectivement du MIT et de l'Institut Weizmann en Israël, viennent d'ailleurs de publier dans Nature Physics un article en accès libre sur Archive dans lequel ils suggèrent que certaines observations faites avec le graphène sont une indication sérieuse d'un phénomène inédit, mais soupçonné théoriquement, qui est la turbulence dans un fluide d'électrons. Les spécialistes en aérodynamique ou en ingénierie, sans parler de ceux qui s'occupent d'astrophysique et de géophysique, savent bien que les propriétés des fluides qui deviennent turbulents sont souvent difficiles à analyser. Pourtant, comprendre ces fluides est crucial dans leur discipline. On peut donc supposer qu'il en sera de même, bien qu'on ne puisse encore imaginer de quelle façon, s'il s'avère que les courants d'électrons peuvent ne pas être stables et laminaires dans des dispositifs électroniques en graphène. Dans certaines conditions, les électrons de conduction dans le graphène adopteraient des mouvements collectifs analogues à ceux des particules avec de fortes interactions entre elles, comme celles constituant des fluides visqueux tels l'eau. Des tourbillons apparaîtraient dans le graphène et se déplaceraient dans le sens opposé à celui du courant électrique dans les conditions normales. Les deux physiciens parlent ainsi à ce sujet de l'apparition d'une sorte de résistance négative. Selon Subir Sachdev, un éminent spécialiste de la physique du solide à l'Université de Harvard, le travail de Levitov et Falkovich, s'il est correct, est très important et ouvre un nouveau chapitre dans l'étude des flux d'électrons dans les métaux. Le logiciel Bonaparte maintenant va identifier l'ADN de 80 000 victimes de la guerre du Vietnam. Le logiciel servira à l'identification de ces victimes, oui, à partir de leur ADN, en le comparant à celui des membres des familles des disparus. Il a déjà montré son efficacité lors des catastrophes aériennes récemment. Le gouvernement vietnamien a signé un contrat avec Smart Research BV, une entreprise néerlandaise, pour l'utilisation du logiciel Bonaparte et de ses services associés. Ceci s'inscrit dans le cadre d'un projet sur 10 ans qui vise à identifier au moins 80 000 personnes parmi les 650 000 victimes non identifiées de la guerre du Vietnam plus de 40 ans après la fin du conflit. Le projet 150, initié par le premier ministre Nguyen Thanh Dung, sera le plus vaste projet d'identification d'ADN jamais réalisé. Les laboratoires seront équipés des dernières technologies médico-légales grâce aux fournisseurs Kiagen et Eppendorf. La formation sera effectuée par BioGlobe et la Commission internationale des personnes disparues basée à Sarajevo. Le système Bonaparte faisait partie d'une mission de l'Institut de médecine légale des Pays-Bas, puis il a été développé et amélioré par SNN à Nimeg aux Pays-Bas et Smart Research BV. Un accord a aussi été signé avec Interpol pour l'utilisation de Bonaparte. Le projet a pour objectif d'identifier les dépouilles de personnes inconnues grâce à l'ADN de membres des familles de disparus en construisant des arbres génétiques. Bonaparte est un outil informatique de médecine légale qui facilite l'identification rapide des individus grâce à l'ADN. Il réalise une comparaison de profils ADN afin de trouver des liens de parenté. Le système Bonaparte a déjà été utilisé avec succès dans d'autres occasions. Ainsi, il a joué un rôle important dans l'identification des victimes de la catastrophe aérienne de Tripoli en 2010, ainsi que dans celle des victimes du crash du vol MH17 de Malaysia Airlines en Ukraine en 2014. Bonaparte a été développé pour des recherches de grande envergure, mais peut aussi servir pour des cas plus particuliers. Il a aussi permis de résoudre l'enquête pour meurtre aux Pays-Bas et le cas Vastra en 2012, et l'identification d'un violeur en série à Utrecht en 2014. Ensuite, tiens, une grande joie peut vraiment briser le cœur. Le syndrome du cœur brisé provoqué par un choc émotionnel intense n'est pas toujours lié à un événement triste. Dans 4% des cas, la cause serait une grande joie. Toutefois, dans l'étude parvenant à cette conclusion, aucun des cœurs heureux n'est décédé. Des chercheurs dont l'étude paraît dans le journal de la Société européenne de cardiologie, The European Heart Journal, ils ont analysé donc les données concernant 485 patients de plusieurs pays diagnostiqués du syndrome du cœur brisé. Ce qu'on appelle communément une cardiomyopathie de stress, hein? Tout le monde dit ça, appelée aussi Takotsubo ou TTS, survenue après un choc émotionnel. Ils ont constaté que certains d'entre eux l'avaient développé après un événement heureux ou joyeux. Ils ont surnommé cette variante du cœur brisé le syndrome du cœur heureux. Ces 485 cas d'origine émotionnelle établie ont été sélectionnés parmi 1750 comme cas du syndrome Takotsubo pouvant être mortel. Pour les autres patients, l'événement déclencheur était physique ou bien à la fois physique et émotionnel ou encore non identifié. Je cite, nous avons montré que les déclencheurs de TTS peuvent être plus variés qu'on ne le pensait. La maladie peut être précédée par des émotions positives aussi. Commente la docteure de l'hôpital universitaire de Zurich en Suisse, co-signataire de l'étude. Selon elle, les cliniciens doivent être conscients que les patients qui arrivent dans le service d'urgence avec des signes de crise cardiaque comme des douleurs thoraciques et une dyspnée, donc une difficulté respiratoire, mais après une émotion ou un événement heureux, peuvent aussi souffrir de TTS tout autant qu'un patient se présentant avec un événement émotionnel négatif. Le syndrome du cœur brisé, donc Takotsubo, qui signifie piège à poulpe, qui a été repéré pour la première fois au Japon dans les années 90, touche surtout les femmes après la ménopause. Dans la forme classique, le ventricule gauche, la cavité cardiaque, prend une forme d'amphore ressemblant à un piège à poulpe. D'après l'étude, chez 20%, chez 20 patients, soit 4%, ce syndrome a été déclenché par un heureux ou joyeux événement, comme une fête d'anniversaire, le mariage d'un fils, victoire de son équipe favorite d'un sport ou encore naissance d'un petit-fils. La majorité des 465 cas, dont 95%, sont survenus après un événement triste ou stressant, comme la mort d'une épouse, d'un enfant ou d'un parent, un accident, des conflits personnels ou dans un cas après qu'un obèse s'est retrouvé coincé dans sa baignoire. 95% des patients sont des femmes dans le groupe cœur brisé ou celui du cœur heureux, avec respectivement un âge de 65 ans en moyenne et de 71 ans, confirmant que la majorité des TTS surviennent après la ménopause. Pour le docteur Christian Templin, cardiologue à l'hôpital universitaire de Zurich, principal auteur du travail, d'autres recherches sont nécessaires pour comprendre les mécanismes exacts qui sous-tendent les deux variantes de cœur brisé et de cœur heureux du TTS. Dans l'étude, aucun décès n'a été enregistré à l'hôpital parmi les cœurs heureux contre 1%, donc 5 sur 465 parmi les cœurs brisés. Et finalement, j'en parlais en intro des spermatozoïdes d'élevage qui s'attaquent à l'infertilité masculine. À partir de cellules souches embryonnaires de souris, des chercheurs ont généré au laboratoire des cellules ressemblant à des spermatozoïdes qu'ils ont utilisées avec succès pour une fécondation in vitro. Ces résultats ouvrent des perspectives pour le traitement de l'infertilité masculine. Chez les mammifères, les cellules germinales, c'est-à-dire les cellules des organes sexuels, comme les ovules ou les spermatozoïdes, suivent un cheminement complexe au cours du développement embryonnaire, guidé par des signaux moléculaires. À la puberté, chez les garçons, la méiose permet d'obtenir des cellules germinales haploïdes, les spermatides, qui se différencient en spermatozoïdes. C'est la spermatogénèse. Cependant, il arrive que des cellules germinales testiculaires soient incapables de réaliser une méiose pour former des spermatozoïdes fonctionnels, ce qui peut être cause de l'infertilité. Un des objectifs des recherches en biologie de la reproduction est de recréer le développement des cellules germinales in vitro. Dans ce cadre, une étape importante a été franchie par des chercheurs chinois qui ont généré des gamètes mâles fonctionnels à partir de cellules souches embryonnaires de souris. Lors de ses travaux parus dans Cell Stem Cell, l'équipe a exposé les cellules souches embryonnaires de souris à un cocktail de molécules pour les transformer en cellules germinales primordiales. Les chercheurs ont adapté un protocole déjà publié qui utilisait un milieu contenant un précurseur de l'acide rétinoïque, la vitamine A, et de l'insuline. Ensuite, les chercheurs ont mimé l'environnement tissulaire des cellules germinales précurseurs en les cultivant avec des cellules de testicules et des hormones sexuelles. Ils ont trouvé que la différenciation des cellules in vitro nécessitait l'exposition simultanée aux hormones sexuelles, testostérone et FSH, et à l'extrait d'hypophyse bovine. Depuis l'exposition à l'activine A, à des facteurs appelés BMP et à l'acide rétinoïque qui permettaient d'initier la méiose et des changements d'expression génétique ressemblant à ceux observés in vitro dans des cellules germinales. Dans ces conditions, les cellules ont pu réaliser leur méiose et ont permis d'obtenir des cellules proches de spermatozoïdes avec un contenu chromosomique correct. Cependant, les cellules générées au laboratoire n'étaient pas des spermatozoïdes complètement différenciés. Il s'agissait plutôt de spermatides, les cellules haploïdes issues de la méiose qui deviennent plus tard des spermatozoïdes. Pour montrer que ces spermatides étaient fonctionnels, les chercheurs les ont injectés dans des ovocytes de souris par injection intracytoplasmique et ont transféré les embryons chez des souris femelles. Les embryons se sont développés correctement, la descendance était en bonne santé et fertile et a donné naissance à la génération suivante. Cependant, avant que cette technique soit utilisée en clinique, des questions éthiques devront être considérées, même si Jiao Sha de l'Université médicale de Nanjing, un des auteurs de ses travaux, semble enthousiaste quant à l'avenir de cette technique. Vous pouvez aller lire ses citations sur assemblagerequis.com. Et nous voilà rendus à la fin de Merci Science. Retournons en chiptune pour aller entendre une pièce par B3. Voici Studying Theme. Au Mathieu Plante Show! vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Power Supply, Waterproof Pants, sur l'album Daisy Love. Et avant la pause, Studying Theme par B3. Et maintenant, c'est le segment Geek Cynix. Le segment Geek Cynix, c'est la collecte de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Commençons par Nissan et la station-service du futur. Nissan et le cabinet Foster Partners ont dévoilé un concept de station-service du futur pensé pour la voiture électrique. Il transforme la ville en réseau de ravitaillement permanent en combinant différentes technologies de charge de batterie au niveau des bâtiments, des places de stationnement et des routes. La voiture pourrait elle-même se transformer en source d'alimentation en s'intégrant au réseau électrique. À quoi donc pourrait ressembler une ville où ne circulerait plus que des véhicules électriques? C'est ce futur dont Nissan veut nous donner un aperçu. L'année dernière, le constructeur automobile japonais a scellé un partenariat avec le cabinet d'architecture et de design Foster Partners pour penser la station-service du futur. Le fruit de cette réflexion vient d'être dévoilé par Nissan à l'occasion du Salon automobile de Genève. En fait, la station-service du futur ne sera plus un point de vente tel que nous le connaissons actuellement. Elle sera partout, dans la rue, les bâtiments, les routes et la voiture elle-même. L'idée est de coordonner tous les systèmes de récupération d'énergie renouvelable présents dans une agglomération pour bâtir un système extrêmement optimisé. Le concept fait de la voiture le maillon central de cette chaîne vertueuse dans laquelle les énergies renouvelables ne sont jamais perdues, mais sans cesse réutilisées. Les voitures, les bâtiments, la route et le réseau d'énergie communiquent. Rechargés par le soleil, le vent ou la force des océans, les voitures permettront aussi de stocker l'énergie renouvelable et de la redistribuer. La nuit, les voitures électriques munies de systèmes autonomes iront toutes seules se placer sur les aires de charge par induction disséminée dans les rues. Une fois rechargées, elles retourneront à leur place de stationnement pour laisser la place à une autre voiture et ainsi de suite. Une idée également utilisée par Volkswagen pour son projet V-Charge. Lorsqu'elles ne seront pas utilisées, les voitures seront branchées au réseau pour participer à son alimentation. Puis une fois en fin de vie, les batteries pourraient être recyclées dans le système de stockage d'énergie domestique. Le passage aux voitures 100% électriques pourrait se traduire par une autre révolution. Le véhicule ne dégageant plus d'émissions polluantes, il pourrait être stationné à l'intérieur des bâtiments et servir de source d'énergie. Par exemple, on se rendrait au bureau directement sans aller garer sa voiture, qui serait prise en charge par un système de stationnement autonome. Une fois en place, elle viendrait alimenter le bâtiment ou se mettrait en charge. Pousser à son terme l'idée de Nissan et du cabinet Foster et de faire en sorte que les énergies renouvelables soient donc combinées et abondantes pour qu'elles puissent devenir un bien commun gratuit. Les stations-service existantes et certains parkings ne seraient plus nécessaires et pourraient être reconvertis en espaces verts. Une vision idéale dont on est encore très éloigné. Tout d'abord, les investissements pour créer de telles infrastructures sont colossaux et demandent une politique urbaine très volontariste qui est aujourd'hui balbutiante. Il faudra également que les systèmes de charge des batteries soient non seulement très rapides pour assurer une rotation des voitures, mais également compatibles avec n'importe quel modèle. Cependant, une chose est sûre, la voiture électrique sera l'une des pièces maîtresses de la ville de demain. Et Nissan nous montre une voie possible plutôt pertinente, nous dit Futura Science. Maintenant, on s'en va à la ronde pour plonger dans le futur grâce à la réalité virtuelle et au Goliath. Imaginez plonger dans un univers parallèle tout en ressentant des émotions réelles. C'est la nouvelle expérience que proposera la ronde dès l'été. Le parc d'attractions vous invite à vous impliquer dans la nouvelle révolution, une montagne russe virtuelle vous lançant dans une bataille futuriste pour sauver la planète Terre d'une invasion extraterrestre à bord d'un avion de chasse. Mais attention, il faut avoir du courage et aimer les sensations fortes. Vous devrez monter à bord de la montagne russe Goliath, enfiler un casque de réalité virtuelle sans fil et c'est parti, même pas besoin d'habileté en pilotage. Pour un maximum de réalisme, l'action est synchronisée au mouvement du wagon et le tout sera offert gratuitement à condition, bien sûr, d'acheter un billet d'entrée sur le site. Présenté comme une première en Amérique du Nord, cette expérience immersive est le fruit d'un partenariat avec Samsung Gear VR et Oculus. Allez voir la petite vidéo de démonstration qui part tout seul quand tu cliques sur l'article sur assemblagerequis.com. Maudit Huffington Post. 60 ans après... le gant de Minority Report pourrait-il enfin devenir réalité? Imaginé en 1956 dans un roman de Philip K. Dick et mis à l'écran par Steven Spielberg en 2002, cette façon très futuriste de naviguer dans un contenu virtuel a depuis longtemps fait rêver tout fan de science-fiction qui se respecte. Avec l'émergence des casques de réalité virtuelle, l'idée ne semble plus si saugrenue que ça, à tel point que Sony y réfléchit depuis quelques années. Un brevet déposé par la marque en 2014 et rendu public le 25 février dernier fait en effet état d'un gant accompagnant un casque virtuel selon Vice. Comment est-ce que ça fonctionne? Le joueur serait placé face à une caméra qui détecterait l'emplacement du gant dans l'espace. L'utilisateur porterait également un casque de réalité, donc peut-être un PlayStation VR, vu que c'est Sony, qui devrait sortir donc plus tard cette année. Les capteurs de doigts seraient eux aussi enregistrés grâce à de nombreux capteurs pouvant analyser la position relative de chaque doigt, l'inclinaison de ceux-ci, etc. Le but de tout ça, évidemment, consiste à pouvoir remplacer la classique manette de jeu vidéo qui ne semble plus trop adaptée à une expérience de réalité virtuelle où l'utilisateur se trouve plongé à l'intérieur du jeu. Ainsi, il suffirait de faire un signe avec sa main pour faire comprendre à la console que nous souhaitons nous munir d'un pistolet ou d'une épée, ou encore que nous souhaitons faire une pause. Si rien n'indique que Sony va transformer ce brevet en réalité, ce gant montre dans quel sens se dirige le futur du jeu vidéo. Oculus Rift et HTC Vive, les deux casques de réalité virtuelle qui sortiront au printemps, ont de leur côté opté pour des manettes similaires à celles de la Wii, permettant de garder le stick analogique et les boutons tout en pouvant situer les mains de l'utilisateur dans le jeu. Mais déjà, plusieurs startups travaillent à la possibilité d'incorporer les mains dans l'environnement virtuel avec des capteurs directement intégrés au casque de réalité virtuelle. Maintenant, un gentil petit robot qui danse et qui renseigne les voyageurs. Il s'appelle Pepper, oui, poivre. Il faut lui parler, hein? Donc, une mère de famille qui reste perplexe devant le petit robot souriant qui lui propose ses services dans une des gares des environs de Nantes, premier du genre à interagir avec le grand public. Bonjour et bienvenue en gare de Nord-sur-Erdre. Moi, c'est Pepper. Je suis ravi de pouvoir te renseigner. Commence le charmant robot humanoïde du haut de ses 1,20 m, oubliant qu'il convient de vous voyez les grandes personnes. Pepper propose des informations sur les horaires, les promotions en cours ou les curiosités des environs, nous dit l'agence France Presse. Sur son ventre, un petit écran arbore le logo de la SNCF qui affiche ses réponses, illustrant par exemple la promenade du petit canal avec un plan et des photos. Je cite, je ne suis pas aussi doué que les bornes de la SCNF, mais bon, par contre, on est d'accord, je suis vachement plus joli. Le petit être de métal lève la tête pour suivre le regard des interlocuteurs, dont il capte les faits et gestes grâce à une caméra 3D. On peut lui parler et il est censé comprendre les réponses. Ses grands yeux s'éclairent alors en vert. Même s'il est toujours poli, Pepper est parfois un peu dur d'oreille. Il dit qu'il n'est pas sûr de comprendre, de connaître cette gare-là, j'ai peut-être mal entendu, etc., etc. L'idée est de décharger les guichetiers en faisant répondre Pepper aux questions pratiques qu'on leur pose le plus souvent, explique le directeur des TER des Pays de la Loire, David Bourreau, à l'origine du projet. Conçu par la société française Aldebaran, filiale du groupe japonais SoftBank, Pepper a été installé en décembre dans trois gares de la région, Nord-sur-Erdre, les Sables-d'Olonne, Vendée et Sommaire-Maine-et-Loire, pour tester les réactions des voyageurs. La SNCF a mis 500 000 euros dans l'expérience et elle doit d'abord tirer un bilan de cette première phase qui s'achèvera à la mi-mars avant de trouver, le cas échéant, un nouveau job au petit robot. D'autres expérimentations sont à l'étude au sein du groupe SNCF. On travaille avec Thalys qui veut le développer à Bruxelles. On travaille avec Eurostar qui veut le mettre dans des boutiques. On travaille avec Gare et Connexion qui gère les gares et regarde comment lui faire vivre ou faire d'autres choses. Et avec SNCF Voyage qui pense aussi à animer ses points de vente. En gare comme ailleurs, une des missions de Pepper, c'est de recréer du trafic en magasin aussi face au e-commerce, le commerce électronique. Ça permet de rendre le point de vente plus attirant. Au Japon, il a été lancé il y a un an. Il fait patienter les clients dans les boutiques de SoftBank le temps qu'un vendeur se libère. Il a augmenté les ventes, dit-il, dit l'article en fait. Même mission chez Carrefour en France, où le petit robot vient de passer quelques semaines dans certains magasins pour la plus grande joie des enfants. Son prochain voyage sera d'embarquer sur les bateaux de Costa Croisière pour renseigner les passagers sur les activités à bord. La Banque Postale, on reste en France, hein, beaucoup de nouvelles françaises aujourd'hui. La Banque Postale qui va lancer Talk to Pay, le paiement par reconnaissance vocale. La Banque Postale va lancer cet été une solution permettant de valider un paiement en ligne par le biais de la reconnaissance vocale, le parler pour payer. En fait, oui, j'ai commencé par parler parce que c'est un article français. Parler pour payer. Le service a obtenu le feu vert de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, pour son lancement après trois années de recherche et de travaux, indique le groupe dans un communiqué. La Banque Postale précise être la première banque française à obtenir l'aval de la CNIL pour un tel dispositif. Développé conjointement avec une filiale du cabinet d'ingénierie en moyen de paiement PW Consultants, ce système consiste, lors de paiement à distance, à obtenir un cryptogramme à usage unique, dit un cryptogramme dynamique, remplaçant le code statique imprimé au dos d'une carte de paiement, donc le CVV, après l'authentification vocale du payeur. C'est le petit code, le 852, là, qui est en arrière de ta carte de crédit. Hein. Ce cryptogramme n'est communiqué qu'après une authentification forte du client, qui reçoit un appel automatique sur son téléphone cellulaire et prononce une phrase pour vérifier qu'il s'agit bien de lui. Le mécanisme fonctionne par l'intermédiaire d'une extension du navigateur web baptisé LBPP. Au moment d'effectuer un paiement, celle-ci, l'application se lance automatiquement et remplit de façon automatique les champs du formulaire marchand. Elle déclenche ensuite un appel téléphonique vers le mobile du client qui n'a qu'à prononcer la phrase d'authentification pour valider la transaction. L'extension génère ensuite le cryptogramme à usage unique de la carte et complète le formulaire de paiement avec les informations liées à la carte de crédit, numéro, date de fin de validité et le CVV à usage unique. Selon la Banque Postale, cette solution de paiement permet de diminuer les risques d'utilisation frauduleuse de la carte suite à une perte ou à un vol du support, son cryptogramme visuel étant désactivé et le cryptogramme dynamique devant être généré après authentification du porteur légitime. Elle aurait déjà été testée avec succès par plus de 600 clients et collaborateurs du groupe. Le service rejoindra PayLib et 3D Secure au rang des solutions de paiement gérées par la Banque Postale au sein de son portefeuille électronique Mes Paiements. On reste dans la reconnaissance. Google teste le paiement par reconnaissance faciale. Google qui explique être en train de mener des tests pour simplifier le paiement en boutique. L'idée est de pouvoir payer plus simplement et entre autres avec un dispositif de reconnaissance de visage. Aux États-Unis, le portefeuille électronique de Google Android Pay commence à se démocratiser avec en moyenne 1,5 million de nouveaux inscrits chaque mois. L'application serait prise en charge par 2 millions de commerces sur l'ensemble du territoire. Actuellement, Google est en train d'élargir la disponibilité du service Android Pay et signe déjà des accords dans d'autres pays. mais la firme de Mountain View s'interroge également sur les méthodes de paiement futures. Sur son blog officiel, l'équipe présente notamment Hand Free, donc sans les mains. Le projet est aussi au stade initial et ne concerne pour l'heure que la baie de San Francisco. Google a notamment signé avec quelques enseignes comme McDonald's ou encore Papa John's. Hand Free se présente sous la forme d'une application mobile pour iOS et Android. Via Bluetooth LE et Wi-Fi, le smartphone est capable de repérer les commerces partenaires de Google. Et au sein de l'application, le Mobinode devra saisir ses coordonnées bancaires. En caisse, il suffira de demander à payer avec Google et de donner ses initiales. Google précise que les informations relatives à la carte de paiement ne sont pas entièrement partagées avec le commerce. Aussi, après chaque transfert, une notification sera envoyée au smartphone. Mais dans certaines boutiques, Google est aussi en train d'évaluer un dispositif de reconnaissance faciale. Concrètement, le client trouvera en caisse une caméra. La photo prise sera analysée et comparée avec l'avatar configuré au sein de l'application Hand Free. Google précise que ces clichés sont immédiatement effacés après le paiement. Ils ne peuvent être collectés par la boutique et ne sont pas envoyés vers les serveurs de Google. La propulsion laser pour atteindre Mars en 30 minutes. La NASA, oui, qui a pour projet d'envoyer un tout petit vaisseau spatial sur Mars en seulement 30 minutes. Comment? Grâce à une propulsion au laser. Les moyens actuels nous permettent d'envoyer un vaisseau non habité sur Mars en environ 5 mois. Mais la NASA pense avoir trouvé la solution pour réduire cette durée à 3 jours, voire à 30 minutes. Le physicien Philip Lubin a en effet expliqué comment, grâce à une technologie appelée propulsion photonique ou voile solaire, la vitesse d'un vaisseau pourrait être largement améliorée par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. La technique de voile solaire n'est pas nouvelle et a déjà été évoquée à maintes reprises. Deux projets ont d'ailleurs déjà vu le jour, dont Icaros, une voile développée par l'agence spatiale japonaise qui fut lancée en 2010 et est toujours opérationnelle, même si sa mission première est achevée. Son principe est assez simple, la voile frappée par des photons solaires profite d'une partie de leur énergie pour avancer. Selon les calculs de la NASA, cette physique permettrait de mettre Mars à seulement 3 jours de la Terre, mais l'agence spatiale américaine veut aller encore plus loin en modifiant la source des photons. Au lieu de compter sur le Soleil, les scientifiques veulent utiliser des lasers. L'idée est la suivante, en plaçant en orbite de puissants lasers, la NASA espère créer un faisceau suffisamment important pour propulser la voile et ce qui sera rattaché à des vitesses prodigieuses atteignant 26% de la vitesse de la lumière contre seulement 0,006% de cette dernière pour Voyager 1 qui a mis 37 ans à sortir du système solaire, de quoi rejoindre Mars en l'espace, donc de 30 minutes. Les chiffres qui font rêver, mais face à cette prometteuse théorie dont vous pouvez trouver les détails dans un article sur assemblagerequis.com, il reste des obstacles à franchir. Le premier d'entre eux concerne le freinage. Avec les vitesses atteintes, se placer en orbite autour d'une étoile et à fortiori d'une planète est impossible. Et pour l'heure, aucune réponse n'a été trouvée à ce problème. Par ailleurs, viser une voile, fût-elle très grande, à des distances aussi considérables, n'a jamais été expérimentée. Il reste donc encore du chemin à parcourir avant qu'on puisse traverser le système solaire et que ça devienne plus rapide que rentrer le soir à son domicile. Volvo, maintenant, avec des étudiants, a fait la démonstration d'un camion à ordures automatisé, des poubelles qui se vident automatiquement avec un drone et un robot. Tout comme d'autres constructeurs, le département recherche et développement de Volvo ne s'en tient pas strictement au secteur de l'automobile et explore d'autres horizons. En collaboration avec deux universités suédoises et une américaine, la marque expérimente ainsi une solution de poubelle, de collecte de poubelles reposant sur un robot ainsi qu'un drone. Le projet ROAR pour traitement autonome des ordures à base de robots. Récemment passé à l'état de prototype, il vise à démontrer comment plusieurs appareils peuvent travailler en équipe. La solution est ainsi constituée d'un camion à ordures, d'un robot et d'un quadricoptère interconnecté. Le concept initial se passait de quadricoptère. Le robot comptait sur une cartographie prédéfinie pour repérer les poubelles, puis sur la panoplie habituelle de capteurs, donc GPS, LiDAR, ultrasons, etc., pour éviter les obstacles. Mais en pratique, les poubelles ne sont pas toujours sorties ou pas toujours strictement au même endroit. Les étudiants ont donc ajouté un drone qui décolle du toit de la maison, et offre une vue aérienne permettant de cartographier la position effective des poubelles en temps réel. Développé en seulement 4 mois par des étudiants, le projet ROAR de Volvo n'est qu'une exploration qui n'a pas de vocation à se concrétiser rapidement et témoigne néanmoins de cette tendance à l'automatisation avec laquelle certains métiers sont confiés à des robots. Maintenant, on parle de Wi-Fi du futur, très haut débit et maison entièrement connectée. 7 gigs par seconde, fiabilité et portée améliorée, le Wi-Fi du futur se prépare et ouvrira ses prochaines années à de nouveaux usages. 4G, réseau basse fréquence, transmission lumineuse, on en parlait la semaine passée, le Wi-Fi, recharge. De nombreuses nouvelles technologies de transmission sans fil monopolisent l'actualité depuis quelques temps. Le bon vieux Wi-Fi, âgé de près de 20 ans, ne serait plus un sujet et pourtant de multiples évolutions majeures se préparent. Débits impressionnants, grande capacité, longue portée, le Wi-Fi du futur s'est exposé la semaine dernière au Salon international de la mobilité, le Mobile World Congress, l'occasion de faire le point sur ce qui attend les consommateurs cette année et au-delà. Les débits du Wi-Fi seront décuplés ces prochaines années avec le passage à la norme 802.11AD. Cette évolution majeure exploitera pour ce faire une troisième bande de fréquence nettement plus élevée de 60 GHz. À ce niveau, le spectre n'est pas saturé et on peut exploiter une bande passante de 2160 MHz, 25 à 100 fois plus large que celle utilisée à ce jour par nos routeurs qui vont de 20 à 80 MHz sur la bande des 2,4 ou encore 5 GHz. Sans même recourir à des ruses telles que le multi-utilisateur ou le multi-flux sur lesquels on reviendra plus loin dans l'article, cette approche simpliste permettra d'offrir dans un premier temps un débit maximal de 4,6 gigabits par seconde et même dans un second temps de 6,8 gigabits par seconde en recourant au multiplexage. Il permettra donc le 802.11D. Naturellement, de transférer rapidement le gros fichier. Certains imaginent d'ailleurs de nouveaux services de location de films pour l'avion, par exemple, avec lesquels on chargerait au sol en quelques secondes des fichiers de plusieurs gigaoctets. Et maintenant, sous l'appellation Y-Gig, ça sert à concevoir des stations d'accueil sans fil pour ordinateurs portables. Au Mobile World Congress, Qualcomm exposait un smartphone auquel on reliait un écran, un clavier et une souris sans fil. Diffuser de la vidéo sans fil n'est plus un sujet, mais on parle ici de départ d'écran et définition ultra HD avec un faible niveau de compression, donc avec une latence et une perte de qualité minime. La norme est standardisée par l'IEEE, un organisme international établissant des normes, mais pas encore par l'Alliance Wi-Fi. Routeurs, ordinateurs, téléphones, les grandes marques sont dans les starting blocks, donc on attend de voir où est-ce que ça s'en va tout ça. Les premiers produits 802.11AD verront le jour dès 2016, mais il faudra attendre quelques années avant que la norme se démocratise. Plus d'informations, beaucoup plus de détails sur assemblagerequis.com. Oh, j'ai fermé un onglet de trop. Hey, ça m'a l'air intéressant. En plus, c'est comment mélanger vélo d'appartement et machine à laver, un concept improbable. Donc, pédaler pour laver son linge, un nouveau moyen de garder la ligne tout en économisant de l'électricité. C'est un concept de vélo d'appartement à la fois écolo et improbable qui vient de Chine. Le BMW pour Bike Washing Machine, sorti tout droit de l'imagination d'étudiants de la Dalian Nationalities University en Chine. Proposition de ce concept assez simple, le vélo d'appartement n'est autre qu'une machine à laver de petite capacité. Et quand vous pédalez, le mouvement entraîne le tambour de la machine et le fait tourner. Dans le même temps, l'électricité superflue qui est générée peut être utilisée pour alimenter l'écran d'affichage du vélo ou stockée pour une utilisation future. Donc non seulement on lave son linge en pédalant, mais on recharge en plus sa tablette tout en faisant son sport quotidien, un combo triplement gagnant, mais on imagine que pour mener ces opérations à bien, il faut avoir un peu plus d'endurance que le cycliste normal du dimanche qui va chercher son pain en bicyclette pour se donner bonne conscience. Nous dit Cubic.com, ce produit, imaginé par les étudiants en design, a malheureusement de fortes chances de rester un concept. Pourtant, on imagine son potentiel en matière d'économie d'énergie, par exemple dans les salles de sport, où les serviettes pourraient être lavées directement par ceux qui les salissent. Goodyear réinvente la roue en proposant de remplacer la roue par une sphère. Le manufacturier a effectivement présenté au Salon de l'automobile de Genève le concept de Eagle 360. Goodyear présente à Genève sa vision du pneu de demain avec le concept de l'Eagle 360, une boule donc complètement différente du pneumatique d'aujourd'hui. Il multiplie les innovations pour révolutionner plusieurs aspects de l'automobile. Pour commencer, sa forme sphérique offre une manœuvrabilité totale. Elle permet à la voiture de braquer à 360 degrés ses quatre roues et ainsi de se mouvoir dans n'importe quelle direction. La voiture peut aussi effectuer des mouvements latéraux, donc dépassement et contournement, sans changer de cap et stationner en parallèle sans faire de créneau. Le pneu sphérique permettra aux parkings publics d'augmenter leur capacité d'accueil à une superficie constante. Au lieu d'être entraîné par des patins, ce qui susciterait des frottements importants, le pneu sphérique les supprime purement et simplement, ce qui améliore significativement l'efficacité énergétique ainsi que les performances. Goodyear imagine effectivement que la voiture soit en lévitation au-dessus des quatre roues par champ magnétique, un peu comme l'Audi de Will Smith dans le film iRobot. Ses roues renferment les moteurs électriques alimentés sans fil par le procédé de l'induction. Imprimé en 3D différemment selon les régions, l'Eagle 360 peut en outre changer d'orientation. Il peut offrir plusieurs axes de roulement correspondant à plusieurs profils pour s'adapter à différents revêtements ou différentes conditions de circulation, que ce soit été, hiver, le sec, la pluie, en un seul pneu. À défaut, il peut répartir l'usure. L'Eagle 360 hériterait en plus des fonctions du concept IntelliGrip, un pneu intelligent correspondant à un futur plus proche. Ce concept vise à donner le sens du toucher aux futures voitures autonomes. En plus d'un capteur de pression, les conducteurs adaptent effectivement leur conduite non seulement en fonction de ce qu'ils voient, ce que pilote automatique peut reproduire à l'aide de caméras et de capteurs de distance, mais aussi en fonction de ce qu'ils ressentent au travers du volant, donc des roues, donc des pneus. En plus d'un capteur de pression obligatoire en Europe depuis le 1er novembre 2014, le pneumatique IntelliGrip intégrerait un capteur sensible à l'état de la route et aux conditions météorologiques. Il communiquerait avec le pilote automatique afin qu'il adapte sa conduite en cas de pluie ou de revêtement glissant. Toujours en nouvelle du futur, à quel endroit de la planète cette photo a-t-elle été prise? Google le sait. Une équipe Google spécialisée en apprentissage profond a entraîné PlaNet, un réseau neuronal, à déterminer la localisation d'une photographie en se servant uniquement des pixels qu'elle contient. Cette intelligence artificielle utilise peu de ressources et pourrait même fonctionner sur un téléphone intelligent. Avez-vous déjà regardé une photo et essayé de savoir dans quel pays, voire en quel lieu précis elle avait été prise? Très difficile et même carrément impossible quand on ne dispose pas d'indices visuels exploitables. Seule une solide expérience de Globetrotter peut s'avérer utile, et encore celle-ci aura forcément ses limites. Chez Google, une intelligence artificielle qui n'occupe que quelques centaines de mégas de mémoire est capable de ce genre de prouesse avec un niveau de réussite assez impressionnant. Baptisé PlaNet, ce réseau neuronal d'apprentissage profond est capable d'analyser une image et d'en déterminer la localisation. Il est le fruit du travail d'une équipe amenée par Tobias Wind, un ingénieur logiciel spécialisé dans la vision par ordinateur. Le système divise le monde en une grille de 26 000 zones, dont les dimensions varient selon la quantité de photos prises dans chacune d'elles. Ainsi, la densité du quadrillage est plus importante dans les grandes villes où le nombre de photos prises est plus élevé que dans les régions peu ou pas peuplées. Les océans et les pôles, entre autres. Pour entraîner ce réseau neuronal profond, l'équipe de Google a eu recours à une immense base de données contenant 126 millions de photographies de lieux, monuments, paysages, etc., accompagnées de leurs coordonnées GPS. 91 millions de ces images ont servi à la formation de PlaNet. Ainsi, l'intelligence artificielle a pu se forger une connaissance en rassemblant les images comportant des similitudes pour les associer à une localisation géographique précise. Les 34 millions d'images restantes de la base de données ont permis de valider l'efficacité de l'apprentissage et de corriger les erreurs statistiques. PlaNet a ensuite été confronté à des séries de tests aléatoires. Lors d'un premier défi, il a dû analyser 2,3 millions d'images provenant du réseau social Flickr. Résultat, l'intelligence artificielle est parvenue à identifier le continent d'origine pour 48% des clichés et le pays d'origine pour 28,4% d'entre eux. L'efficacité baisse sensiblement lorsqu'il s'agit de localiser une ville à partir d'une rue, 3,6%, ou d'une vue plus globale à 10,1%. Pris comme tel, ces pourcentages peuvent paraître moyens, voire même médiocres, mais il faut savoir qu'ils sont déjà supérieurs à ce dont les humains sont capables. Pour preuve, PlaNet a également été confronté à 10 voyageurs chevronnés à travers le jeu en ligne GeoGuess. Le but est de situer sur une carte une image tirée au hasard sur Google Street View. PlaNet a remporté 28 des 50 manches avec une erreur de localisation moyenne de 1,131 km contre 2,320 km pour ses opposants. Mais ce qui est peut-être plus impressionnant dans cette démonstration, c'est le fait que ce réseau neuronal n'utilise que 377 mégas de mémoire, ce qui signifie qu'il pourrait donc fonctionner sur un téléphone intelligent. Futura Science a récemment évoqué les progrès réalisés au niveau de processeurs graphiques qui permettent d'envisager qu'une intelligence artificielle puisse fonctionner directement sur un smartphone, des objets connectés ou une voiture autonome sans passer par une connexion Internet. Je vous invite à lire l'article sur assemblagerequis.com. Maintenant, en nouvelle de technologie un peu au hasard, le scan de Gmail permettra aux entreprises d'éviter les fuites de données. Google annonce l'implémentation d'une nouvelle fonctionnalité au sein de Gmail, laquelle devrait permettre d'éviter les fuites de données. À ses débuts, la solution Google Apps était déjà assez boudée par les entreprises. Celles-ci étaient effectivement habituées à contrôler strictement les données sensibles directement au sein de serveurs internes. Aujourd'hui, plusieurs informations potentiellement confidentielles sont directement hébergées sur les serveurs de Google, qu'elles soient stockées au sein de Drive ou de Gmail. Sur l'un de ses blogs officiels, Google annonce quelques nouveautés pour Gmail, Data Loss Prevention, donc DLP. Plus précisément, Google a rajouté un mécanisme de reconnaissance de caractère. La firme californienne explique en effet que les données sensibles ne sont pas seulement dans le corps du message, mais peuvent se trouver en pièces jointes. La technologie sera donc capable d'analyser les images ou les documents à la recherche d'informations au caractère prédéterminé, par exemple des numéros de téléphone, de sécurité sociale ou des combinaisons identifiant mot de passe. L'administrateur sera en mesure d'appliquer ce scan au mail entrant, sortant ou envoyé en interne. Il pourra par ailleurs spécifier des termes précis à analyser, par exemple le nom d'un projet sensible à l'étude en interne. Lorsqu'un terme a été détecté par Google, il sera possible de modifier le message, de le rejeter ou de le mettre en quarantaine. Pour l'heure, cette fonctionnalité est réservée aux entreprises ayant souscrit à Google Apps for Work Unlimited. Petit brisage de mythe dans ce cas-ci, non, Android ne retirera pas le tiroir d'application. Les aficionados du système mobile de Google ont eu une petite frayeur en consultant une nouvelle vidéo promotionnelle pour le service Google Maps. Sur son flux officiel de Twitter, l'équipe de Google Maps a publié un clip montrant des enchaînements de calculs itinéraires à pied, à vélo ou en voiture, mais c'est le début de la vidéo qui a laissé perplexe. En effet, l'écran d'accueil montré dans les toutes premières secondes était dénué de tiroirs d'application. Depuis ses débuts, Android se distingue de iOS en présentant deux niveaux pour les applications, en plus des différents écrans d'accueil sur lesquels il est possible d'ajouter des raccourcis et des widgets. Le tiroir liste l'intégralité des applications installées. Certains apprécient ce degré de personnalisation, tandis que d'autres jugent l'ergonomie trop lourde et confuse. Hein? Quelque part, Windows 10 Mobile se situe à mi-chemin et les différents launchers d'Android permettent de personnaliser complètement l'agencement du système. Bref, le site spécialisé Droid Life explique avoir été contacté par Google. La société tient à préciser que la vidéo ne reflète pas les évolutions à venir au sein d'Android N. L'illustration utilisée ne serait tout simplement pas la bonne. Google devrait lever le voile sur la prochaine version d'Android à l'occasion de la conférence Google I.O. qui se déroulera du 18 au 20 mai prochain. Vous pourrez jouer à la PlayStation 4 sur PC ou sur Mac lors de la prochaine mise à jour. Alors que Sony s'apprête à déployer la version bêta de la mise à jour du micro-logiciel de la PlayStation 4 vers la version 3.5, voici la liste des nouveautés qui attendent les joueurs prochainement. Réservée pour l'instant à la PlayStation TV et à la PlayStation Vita, la fonction Remote Play deviendra compatible avec Windows 10 et OS 10 lors du déploiement de la prochaine mise à jour de la PlayStation 4. Les détenteurs de la console de Sony pourront alors jouer au jeu de celle-ci qui diffusera le signal vidéo vers le réseau Wi-Fi afin qu'il puisse être perçu par un PC propulsé par l'un ou l'autre de ces deux systèmes d'exploitation. Autrement dit, si le téléviseur familial est déjà utilisé pour quelque chose d'autre, ça ne vous empêchera pas de progresser dans votre jeu préféré. Malheureusement, pour les personnes inscrites à la mise à l'essai de la version bêta, cette fonction ne sera pas disponible lors du déploiement de celle-ci. Dans les prochains jours, l'article date du 1er mars, donc du 2, donc OK. Donc, c'est ça. C'était à partir du 2. Ces derniers devront se contenter des nouveautés suivantes. Donc, notification d'amis en ligne, apparaître hors ligne, événements utilisateurs et Dailymotion, le nouveau partenaire de la portion Share. Après Twitch, Ustream et YouTube, c'est maintenant au tour de Dailymotion d'intégrer la liste des portails vidéo où il est possible de diffuser des parties. On ignore toujours quand exactement sera déployée cette mise à jour à l'ensemble des utilisateurs, mais selon le déroulement de la mise à l'essai de la version bêta, celle-ci devrait être lancée sous peu, nous dit branchezvous.com. La Xbox One pourrait bénéficier de mises à jour matérielles pour perdurer dans le temps. C'est tout de moins une éventualité évoquée par Phil Spencer, le patron de la division Xbox de Microsoft, durant une récente interview. Les consoles pourraient-elles bientôt évoluer comme les PC pour faire tourner les jeux plus longtemps? Pour Phil Spencer, la Xbox One pourrait très bien bénéficier d'ajouts matériels par le biais de mise à niveau acheté par l'utilisateur. Lors d'une rencontre avec le site Polygon, le patron de la division Xbox chez Microsoft a évoqué cette possibilité alors qu'il parlait de la stratégie cross-platform développée par l'entreprise pour ses jeux vidéo. L'objectif de Microsoft est bien de créer une plateforme Windows universelle en proposant un contenu et une proposition similaire aussi bien sur PC que sur Xbox One. Néanmoins, la console aura toujours bien plus de limites qu'un PC qui accepte les mises à niveau matérielles. Selon Phil Spencer, je cite, « On voit bien que l'innovation est continue sur le PC et même sur le mobile. C'est quelque chose qu'on ne voit pas avec les consoles aujourd'hui. Les consoles sont verrouillées au début d'une génération où elles démarrent à l'égalité avec le reste du matériel. » Puis la génération évolue pendant parfois 7 ans et alors que d'autres écosystèmes deviennent de mieux en mieux avec une console, vous attendez la génération suivante, une situation qu'il aimerait voir évoluer. Il a expliqué que les possesseurs de Xbox One pourraient potentiellement bénéficier dans le futur de mises à niveau matérielles et optionnelles pour que la console puisse fonctionner avec de nouvelles technologies sans devenir obsolète. Une façon de rapprocher la logique de la console de celle du PC et même de mettre fin à la logique du cycle des consoles. Une prédiction ambitieuse qui a de quoi faire rêver les joueurs consoles. Néanmoins, Phil Spencer a tenu à préciser par la suite qu'il ne s'agissait pas de l'officialisation d'une feuille de route. Il n'y a donc rien d'officiel, tout le moins dans les médias, mais on peut espérer que l'idée ne reste pas seulement dans la bouche du patron de Xbox. Finalement, nous reste deux petites nouvelles. On va passer rapidement sur la dernière, mais quand même, celle-ci, une auteure qui a découvert un prix littéraire de 150 000 $ dans son dossier de pourriel sur Internet. Évidemment, votre dossier de pourriel qui sert de filtre pour plein de choses écrites en majuscules, de fausses promesses de rois et princes nigériens ou peu importe. Mais peut-être devriez-vous prendre un petit moment pour lire en diagonale. The Guardian nous parle d'une femme, une auteure australienne de 73 ans, Helen Garner, qui regardait un petit peu son dossier de spam et a vu un courriel d'un étranger. Elle a appris qu'elle avait été choisie comme gagnante d'un prix littéraire d'une valeur de 150 000 $. Le courriel que Garner a reçu l'alertait d'une bonne nouvelle et lui demandait son numéro de téléphone, deux choses qui normalement seraient des drapeaux rouges. Elle a dit au Sydney Morning Herald qu'elle a vérifié avec son éditeur et elle a parlé au directeur du Wyndham Campbell Prize qui lui a confirmé qu'elle était vraiment reconnue pour son écriture. Elle est presque tombée par terre, dit-elle. Elle se sentait tellement validée, tellement encouragée, tellement excitée. Donc, une écrivaine dans plusieurs genres, plusieurs formats depuis 4 décennies. Garner a dit qu'elle était très fière d'avoir appris que le prix était pour ce qu'elle avait écrit en non-fiction. Ce qu'on appelle en anglais non-fiction, c'est des trucs qui sont basés sur la réalité. Donc, dans un court communiqué, Garner a dit recevoir le prix Wyndham Campbell pour non-fiction valide de façon généreuse. Blablabla, ce que je fais depuis les 20 dernières années et ça me donne l'envie de continuer. Voilà. Établi en 2013, le prix Wyndham Campbell est quand même assez récent avec 9 auteurs internationaux choisis par année d'un panel de juges anonymes. Qui sont soit choisis par Wyndham ou encore sélectionnés par le président de l'université Yale. Il n'y a pas de processus de soumission, donc Garner n'avait pas de façon de savoir qu'elle participait même à ce concours-là pour la bourse de 150 000 $. Félicitations à elle. Et alors que je vois entrer deux personnes en studio, ça me rappelle qu'une certaine radio commerciale va lancer une émission de technologie bientôt. Dans une formule table ronde, l'équipe reviendra sur ce qui a fait vibrer l'univers de la techno au cours des derniers jours. Ça a commencé dimanche dernier, j'étais pas au courant, à 18h sur une grande station commerciale. L'animateur, ancien animateur de C'est Fou, file quelque chose, je connais pas trop. Jazz Techno en compagnie de deux collaborateurs, Denis Talbot, entre autres, et Pascal Forget, Never Forget, comme on l'appelle, dans le show techno sur cette station-là, sur ce grand réseau. Pendant une heure, ces trois geeks discutent de leurs découvertes et coups de cœur sur l'ensemble du réseau. Les auditeurs découvrent les nouvelles nouveautés en matière de jeux vidéo et sauront tout des nouvelles applications et gadgets disponibles sur le marché. Dans une formule table ronde, l'équipe reviendra sur ce qui fait vibrer l'univers de la techno au cours des derniers jours. Et régulièrement, l'animateur et les deux experts recevront un invité pour échanger avec eux sur les sujets de l'heure. Sachez qu'on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur que cette émission-là. Peut-être que je devrais l'écouter pour aller faire encore mieux que ça. Hein? Écoutez-la, puis comparez, puis revenez nous voir, hein, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout pour la chronique CNX. Allons-y avec les jeux vidéo les plus loués en club vidéo. En 10e place, Fire Emblem Fates Birthright sur la 3DS. En 9e, NHL 16 sur Xbox One. En 8e, le même jeu sur la PlayStation 4. En 7e, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur la PS4. En 6e, le même jeu sur la Xbox One. On dirait que tout se suit. En 5e place, Call of Duty Black Ops 3 sur la PS4. En 4e, le même jeu sur Xbox One. En 3e, Far Cry Primal sur Xbox One. En 2e, le même jeu sur PS4. Et en première, c'est Legend of Zelda Twilight Princess de HD Collection, truc patente sur Wii U, voilà, c'est tout. Maintenant, on prend la pause, au retour, ce sera Samuel Girard et la chronique de Gamer and Note, mais pour l'instant, on écoute J-Red avec Night Sky, tout de suite au Mathieu Plante Show, sur C'est Fou. Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante et maintenant sans perdre même plus de temps à parler en retour de pause. Ok, pour vous dire qu'avant la pause c'était J-Red avec Night Sky. Voici la chronique d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. Même la musique d'intro est pressée, on dirait. Ça n'a pas de sens. Wow, crime, ça le met dedans, ça. Salut, Samuel. Hello. How are you doing? Ah, ben ça va, ça va. Ah, c'est bon, ça. J'aime mieux que tu me le demandes en anglais. Ah ouais, ben tu sais, ça... même je suis bilingual. Ouh, c'est bien, ça. Donc c'est ça, en fait, j'ai été concept avec la chanson thème, donc c'est Kirby Superstar, parce qu'on va parler de vedette aujourd'hui. Ah, wow! Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit sur l'heure du midi, comme d'habitude, je l'ai oublié. Mais, c'est pas grave, je suis habitué. Tu nous parles de vedettes qui sont aussi gamers. C'est ça, ceux qu'on ne soupçonne pas d'être gamers. Parce qu'il y en a qu'on le sait. Là, mais oui, on le sait tous que Snoop Dogg passe des heures à jouer à des jeux vidéo et à se diffuser sur Twitch. Oui, entre autres, il fait ça, entre autres. C'est ça, c'est bon, mais il y en a qu'on ne doute pas. On le sait pas qu'ils sont gamers à leur temps, puis c'est ça. Donc, la liste, ça va vous apprendre peut-être quelques petites affaires. Ça va être cool, j'ai bien hâte de savoir ça. C'est ça. En fait, il y a peut-être juste la moitié des noms que je vais comme faire. OK, je m'en fous. Ouais, c'est ça, on s'en sait. Il y en a que tu vas sûrement dire, genre, c'est qui déjà cette personne-là, j'imagine. C'est sûr que oui. Il y en a moins connus là-dedans, même si c'est des vedettes. C'est sûr que oui. Mais bref, en tout cas, je me fie sur toi qui a peut-être plus de connaissances des vedettes que moi. On va voir. Je vais essayer, je vais faire mon possible comme d'habitude. Ouais, c'est ça. On va y aller avec le premier. Le premier, c'est Matthew Perry. Ah, Bacon and Chandler dans Friends. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, regarde, déjà, tu pars avec une meilleure, meilleure connaissance que moi. Parce que Friends, j'ai pas écouté ça encore. Il te manque de quoi, là? Je le sais. C'est pour ça que je l'ai dans ma liste de séries à écouter dans un futur plus ou moins proche. Sur la liste dans laquelle il y a 1000 affaires à écouter. Genre, au moins une vingtaine de séries. Ah, juste 20? Ouais. C'est pas super. C'est ça. Non, mais tu sais, je fais attention, là. Encore le temps de te rattraper. Puis mes amis, ils savent quoi me dire d'écouter. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on a lui qui est un passionné de jeux vidéo à temps perdu. Et là, tout ça ne dit jamais le style de jeux vidéo qu'ils jouent. Ils font juste jouer à des jeux. Je te dirais que la majorité, c'est des jeux first-person shooter. Ouais, les classiques shooters. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que je m'attarde pas trop sur les jeux auxquels ils jouent. D'accord. OK. Sinon, je vais le dire. OK, c'est bon. Je te demanderai pas à chaque fois. C'est ça. Donc, sinon, on a Will Arnett, ou c'est un acteur. Oui, acteur, entre autres, connu pour la sitcom Arrested Development sur Netflix, entre autres. C'est ça. Il a donné sa voix dans Les Simpsons, Ratatouille, Lego The Movie. Oui. Donc, c'est pas mal des Teenage Mutant Ninja Turtles. Eh boy. Bon, c'est plein de belles choses de même. Un peu plus connu, c'est le premier que je connais dans la liste, Conan O'Brien. Oh, animateur de talk show. Exactement. Donc, c'est ça, lui, il a... lui, il fait des segments sur les jeux vidéo. C'est lui qui fait les segments... je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais il teste des jeux vidéo comme s'il était un cave, genre. Il comprend rien, puis il joue à ça. Oui, c'est vrai. J'ai regardé justement des vidéos de ça quand dans ma recherche. Mais je me rappelle pas. Je comprenais pas trop le concept, là, mais c'est ça. Il faisait beaucoup de crises du bacon, j'ai remarqué. Oui, et il était avec Snoop Dogg, justement. Ah bon? Bon, c'est ça. Le cercle se complète. ça vient de justifier ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, on a Rosario Dawson. Oui, je la connais du film Rent, entre autres. OK. C'est bien là-dedans qu'elle joue, je pense. Oui, je l'ai ici, Sin City. Voilà. Donc, c'est ça. Sinon, Men in Black 2. Oui. Puis dans les séries, il y a Daredevil. Cool. Je ne savais pas, ça donne envie d'écouter Daredevil. ça, c'est dans ma liste de séries. Ah ouais. Écoutez, paraît que c'est excellent. C'est pas pour la même raison. Ça deviendra une nouvelle raison d'écouter Daredevil. Ouh, nice. Le prochain, c'est un peu impertinent, mais c'est quand même drôle à savoir, Zac Efron. Ben, le man crush de la plupart des hommes hétérosexuels et homosexuels. Tout le monde est d'accord pour dire que Zac Efron, c'est une belle personne. Ben, écoute, si tu lui donnais ça, tant mieux. C'est un man crush, Zac Efron. Les abdos, comment? Ouais, c'est ça. Donc, il y a... c'est ça, donc, très connu pour High School Musical. Ouais. Et d'autres petits rôles de même. En tout cas, j'écoute pas beaucoup de choses qui contiennent Zac Efron, je sais pas pourquoi. C'est à teneur élevée en Zac Efron. Ouais, c'est ça. ma personne préférée de la liste, Ronda Rousey. Qui? Ronda Rousey. Qui? Ah, en martiaux mix. Hey, ah oui. C'est là, allume. Ah, mais tu vois qu'on a pas les mêmes référents. Effectivement. C'est ça. Donc, moi, je suis un très grand fan de cette combattante ultime-là. Elle qui a donné, qui a vraiment réussi à monter les combats féminins dans le UFC, parce qu'il n'y en avait pas avant. C'est ça. Et à un moment donné, ils ont fini par plier, laisser aussi les combattantes s'exprimer dans l'octogone. Ouais. Et ça a parti d'une méchante mode. Et maintenant, c'est assez fréquent de voir un gala de UFC se terminer par un combat entre deux femmes. C'est très cool, en effet. quel spectacle que ça donne. Mm-hmm. Sérieusement, là, je peux pas croire qu'on n'ait pas accepté ça avant. C'est parce qu'ils savent se battre, eux autres aussi. Okay, ben je vais retenir son nom comme vu que c'est une pionnière. Ben, c'est ça. Ouais, bon. En tout cas, elle a vraiment rendu populaire cette discipline-là auprès des femmes. Et c'est ça, donc c'est une geek assumée. Cool. C'est ça, une très grande fan de Pokémon. Ah, tu vois, là, ça, c'est un détail pertinent à savoir. Et voilà, oui. Exactement. C'est quel Pokémon? Pikachu. Ah, OK. Oui, parce qu'elle a déjà fait une vidéo où elle arrive en entraînement de dans un entraînement, elle arrive en habit de Pikachu. C'est cool. Puis là, elle enlève son casque, elle fait comme... Ouais. Je trouve ça drôle. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment ma préférée dans la liste. Ça fait quand même drôle de voir que c'est quelqu'un qui démolit ses adversaires, ouais. Mais qu'après ça, elle va s'asseoir et elle joue à Pokémon. Ben, sûrement qu'elle démolit des gens aussi dans ses jeux vidéo quand elle joue. Sûrement. Ça. Sûrement. La prochaine, je ne me rappelle pas c'est qui, donc je vais googler ça. Sinon, ça m'aidera pas, ben. Donc, Aisha Tyler. Ben oui, l'animatrice en ce moment de Whose Line Is It Anyway sur The CW. C'est aussi une actrice que je joue dans Friends, entre autres. Je joue la blonde de Ross. Gars, je m'inquiétais même pas. Je savais que tu pourrais m'aider à compléter ces beaux segments. Mais Ronda Rousey, j'ai aucune idée. Ben, c'est pour ça que j'étais là pour ça. Ça. Chacun son domaine. Ouais, ça, moi et ma passion des sports de combat. Voilà. C'est ça. Ensuite, il y en a juste trois. Crimes. Et c'est trois c'est très connus. Okay. Oui, c'est rapide. C'est pour ça que j'ai deux sujets aujourd'hui. Triche. Hey. Henry Cavill, Monsieur Superman en personne. Ah, des plus récents, ça. Oui, donc okay. L'acteur qui a joué dans The Man of Steel et qui va jouer dans Batman vs. Superman. Ah, OK. Sa face me dirait rien. C'est pas grave, au pire, t'iras voir sur Google. On va faire ça. Donc, c'est ça. Donc, lui, en plus d'être passionné de ce qui touche, dans le fond, aux super-héros, ben c'est aussi un gamer à ses temps libres. Ouais, à ses heures. Si à ses heures. De pas non, bébé. Non, effectivement. Mais quand même, c'est un passionné de jeux vidéo. En deuxième place, Vin Diesel. Hey boy. Et non, c'est pas un passionné de course. OK, étant donné son nom de Fast and Furious. Fast and Furious, c'est plus ça, la référence. C'est une joke de diesel. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'était pas là-dessus qu'on allait. On allait pas en même sens. Donc, c'est non, vraiment des jeux d'action, ouais. Des jeux de tir. Donc, c'est ça. Donc, c'est un passionné de ça. Et certains vont le reconnaître aussi pour sa très notable contribution dans Guardians of the Galaxy. I am Groot. C'est tout. C'était tellement pas compliqué que ça a l'air que c'est lui qui a enrichi dans toutes les langues. Oui, mais j'ai vu la vidéo de lui en train de faire ça. Tu trouves pas que ta veille est comme vraiment trop rapide sur ton téléphone? T'as pas le temps de t'en virer de bord, j'ai déjà le barré. Je le sais. Je le sais. J'essaie de regarder ma liste, puis ça. Il y a un setting pour ça, man, dude. Bro. Mais oui, je le sais. Mais c'est parce que quand que si je le mets trop long, ben ça laisse le temps à quelqu'un de prendre mon téléphone puis de gosser dessus. Voyez là, au moins, ouais, vu qu'il tombe vite en veille, ben il se rebarre tout de suite. Tout le monde aimerait ça se faire passer pour Samuel Girard de Génie en Liberté et Matière Noire et le Mathieu Plancho et Assemblage Requis et autres. C'est ça l'affaire. Fait que faut que tu fasses attention à ça. Exact. Ouais. Non, mais c'est parce que le dernier coup que j'ai pris mon téléphone, j'ai passé un show de me ramasser avec Tinder d'installer un profil de commencer. Donc, je suis prudent. Tu fais bien, protège-toi. Ouais. Si tu utilises Tinder, protège-toi. Ouh! Hein? Message d'intérêt public. C'est ça. Petit fait cocasse, est-ce que tu savais que Phil Collins avait déjà été un méchant dans Grand Theft Auto? Non. Il a déjà prêté sa personne pour être un mafioso. Ah ouais. Ouais, leader de crime organisé dans Grand Theft Auto. Eh ben. C'est comme une autre histoire dans Vice City. Donc, je pense qu'ils l'ont pas fait chanter quand même dans le jeu. Ben, il chante dans le jeu. Il chante dans le jeu. Ben oui, on doit aller à un de ses spectacles pour le rencontrer. Ah, il joue son propre rôle. Oui, il joue son propre rôle. Okay. Il chante de ses chansons. Et après ça, quand il va derrière les rideaux, ben il fait des deals de drogue puis il engage des tueurs à gages. Eh ben, c'est beau, hein? Ouais, intéressant. C'est ça. C'est une petite parenthèse comme ça va te donner la première place. Ouais. Donc, si je te dis un acteur très connu, ok, ouais. Qui est maintenant décédé, ok, qui a fait, qui a inspiré des jeunes dans plein de domaines, qui a joué autant dans des, qui a prêté sa voix des films de Disney, et qui a Robin Williams, il a appelé sa fille Zelda. Exactement, oui. C'est un maniaque de The Legend of Zelda et un des rares à comprendre que Link est le gars et Zelda est la princesse. Exactement. Donc il a appelé sa fille Zelda. Participation spéciale d'Alexandre Marchand, animateur de Matière Noire. C'était un maniaque. Oh. J'ai dit c'est un maniaque, je sais pas. Ça c'est déplacé. Ouais, faut conseiller à Alex de Matière Salut. Noire. Ouais, ben Matière Noire c'est pas rien là, c'est comme. C'est pas pour rien qu'il y a des Matières Noires. Tu fais de l'humour noir aussi. Oui, exactement. Ouais. Hey, ben justement, est-ce que j'ai le droit de dire une autre phrase genre? Ben oui. Tant qu'à être dans le sujet. En fait, tant que tu veux, tu peux participer. Quand même dans le studio, prophétiser. Ouais, ben je me suis un peu incrusté. assister. Mais tant qu'être dans le sujet, il y a un des membres du groupe de Cannibal Corpse, ça va revenir en matière noire quelque part, qui a un tatou de la horde de World of Warcraft. Sur son bras, puis le monde l'a remarqué, puis il a comme fait ouais, genre comme je joue à côté quand je suis pas en train de, décapiter des gens genre sur le stage avec ma musique. C'est ça, ma fille, il y a beaucoup de groupes de musique qui sont aussi gamers à leur temps, et même qu'il y a des groupes qui ont décidé de faire ça un peu à temps perdu. Ils se font des groupes en ligne avec des fans de leur groupe. Ah, ouais. Avenged Sevenfold a fait ça souvent. Avenged Sevenfold a fait de la musique pour Call of Duty. Mm-hmm. Donc le zombie mode. Donc c'est ça. Donc il y a beaucoup de groupes de musique de même dont les musiciens sont de grands tripeux de jeux vidéo. Mm-hmm. Non mais ça, c'est qu'on le sait très facilement. C'est plus propice à ça. Tout à fait. À être en studio avec Mathieu Plante et Samuel Jarre en même temps, ça m'a fait réaliser à quel point il parle fort comparé à moi. C'est vrai. Hein? J'ai comme l'impression que pour rivaliser, il faudrait que je parle comme ça. J'ai la main sur le bouton depuis que tu parles, tellement qu'on sait pas parler. T'anticipais une montée. Je comprends ça. Mais voilà. Parlant de montée, je vais faire une montée de lip, mon prochain sujet. Ah, oh! Tu vas chialer, toi, chialer. J'ai jamais pensé que tu ferais ça. Ça me chiale jamais. Puis Alex, si tu veux ajouter ton grain de sel, ne te gêne pas. Oui. Parce que toi qui es gamer toi-même, je suis sûr que ça va t'interpeller, qu'est-ce que je vais dire. Oui. On se rappelle dans les années 80, 1983, il y a eu un crash de l'industrie des jeux vidéo. Ouais, si je m'en rappelle. Ah, c'est ça. Des commentaires pertinents comme ça. On n'était pas ni un ni l'autre. Donc, c'est ça. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les gens se sont mis à produire des jeux vidéo trop rapidement. Ouais. OK? Le but, c'est de sortir le jeu le plus rapidement possible et faire de l'argent le plus vite possible avec le jeu. C'est pas encore ça aujourd'hui. C'est ça. Tu vas voir mon prochain point, c'est pas mal ça. Et à un moment donné, les gens se sont tannés et disons que le jeu de E.T. a été le dernier clou dans le cercueil. Ouais. Il y a eu, ça a été très visible l'industrie, et c'est après ça que Nintendo a embarqué avec la NES, et là on a reparti un peu. Bonne nouvelle, finalement je suis content que ce soit arrivé comme ça. Oui, une chance. La question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui on se redirige vers un autre crash du jeu vidéo? Okay. Est-ce qu'on va refrapper un mur? La raison pourquoi je me dis ça, c'est que, comme Alex vient de le dire, aujourd'hui on est encore dans le vite fait, mal fait pour faire de l'argent. Mm-hmm. Je dis pas que toutes les compagnies font de mauvais jeux. Okay? On en voit de très bons. Mais trop souvent, les gens jouent au jeu quand il sort et il est rempli de bugs. Tu passes à travers les murs, tu respires partout. Il y a des animations qui partent tout croche. Il y a plein de problèmes dans les puis jeux. Puis les règles plus tard avec du téléchargement. Et voilà, forcé. Ce que je déteste. C'est clair. Pourquoi est-ce que je joue à des vieux jeux? Parce que, exemple, quand il sortait un Super Mario 64, un Banjo-Kazooie, Conker's Bad Fur Day, ces choses-là, les jeux arrivaient prêts. Au complet. Ils ont travaillé des années dessus pour qu'ils soient parfaits. C'est ça. Le plus possible. C'était long, on travaillait dessus, et quand tu l'avais, oui, le jeu avait quelques bugs qu'on peut abuser, mais en tant que tel, il n'y arrivait rien de majeur dans ton jeu. C'est ça. Si tu suis le jeu normal. Là, après ça, il y a des gens qui ont trouvé des manières de oui, glitcher. Oui. Là, mais il y a eu différentes versions de différents jeux aussi disponibles en Europe qui ont changé quelques affaires. Ouais, c'est ça. Bon. Mais en tant que tel, le jeu était prêt pour jouer. Ouais. Je vais prendre l'exemple du dernier jeu de Batman qu'ils ont fait. Oui, c'est ça. C'est le pire exemple, je pense, récemment. Si tu regardes la version PC, le dernier jeu de Batman, oui. les versions console, t'es correct. Mais pour version console, l'un des derniers qui a fait un gros flop par rapport à ça, c'était Assassin's Creed Unity. Exactement. Celui de l'année passée. Un jeu à énorme budget, en plus. Oui, c'est ça. Exact. Mais c'est des jeux qui sont contraints de sortir rapidement parce que Assassin's Creed sortent à toutes les années. Oui, ou sortaient, je crois que oui, ils sortaient là, ils sont supposés, ouais, ils vont prendre une année de repos, mais mettons. Mais j'aime pas ça comme manière de faire mais les choses. Non, c'est ça, exactement. Mais je pense que la possibilité, justement, de pouvoir les retoucher plus tard met un petit, ça les met en confort avec le fait que les excuses. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est parce que je pense qu'ils donnent les dates de sortie peut-être trop de manière préemptive et à ce moment-là, tu te ramasses qu'ils ont soit le choix de le sortir, de le patcher ensuite ou de repousser la date. Mais là, quand ils repoussent la date, le public est fâché parce que là, mais en même temps, moi, je dis ça comme ça, j'aime mieux un jeu qui a été repoussé puis quand il sort, il est en état de jouer. Et il y a un jeu qui est beaucoup attendu, justement, qui est pour PlayStation 4, qui est Uncharted 4. Et Uncharted 4, ça fait comme 5 fois quasiment qu'il est repoussé. Ouais. Il était supposé sortir fin 2015. Finalement, il est rendu au mois de mai. Là. Il a été repoussé. Il était avril. Maintenant, c'est début mai. Mais ce jeu-là, c'est une compagnie qui est fiable et je pense que quand il va sortir, eux, justement, ils le repoussent continuellement pour être sûr qu'il soit parfait. Donc, à quelque part, c'est ambigu un peu qu'est-ce que les développeurs doivent faire à ce moment-là. Ouais, puis ça a tellement été une. Ça a tellement fait rire le monde qu'il y a même le gars qui s'était fait tatouer le logo du jeu, là. Je sais pas trop sur quelle partie de son corps pour dire le jeu sera plus repoussé. Tu sais qui s'était fait tatouer ça, je me rappelle plus. Ça, je me rappelle pas moi non plus, mais j'ai vu une histoire de même passé. Mais c'est ça. Moi, dans ma tête, du contenu téléchargeable, ça doit être pour ajouter quelque chose à ton jeu. Des bonus. Pas pour patcher. Tellement. C'est ça, j'ai de la misère avec ça. Et les jeux commencent à être très chers. 80$ pour un jeu. J'ai de la misère avec ça. Tranquillement aussi, là, on a failli avoir ça avec la dernière génération, mais ils voulaient enlever les reventes de jeux. Oui. Xbox en allait faire ça, donc Microsoft. Et finalement, PlayStation, qui ont fait leur conférence de presse avant, ont dit « Oh non, nous, vous allez pouvoir revendre. » Et là, Xbox est obligé de faire volte-face. Sinon, ils auraient perdu leur chiffre de vente. Exactement, mais là, on a passé proche. Est-ce qu'à la prochaine génération, on va faire ça, que ça va être usage unique, peut-être, un code unique? Puis quand que tu vas vendre ta copie à quelqu'un, il faut que la personne s'achète un nouveau code pour jouer au jeu. Ça va détruire le marché s'ils font ça. Ça s'en va vraiment vers le numérique aussi. Oui, on s'entend. C'est de plus en plus axé sur ça. Le DVD, mais, ça n'existera plus. C'est ça. Mais, ça aussi, j'ai de la misère avec ça. Le côté physique, moi, je trouve ça vraiment vieux au lieu de juste télécharger tes jeux. Ouais. Et Alex, tu viens de faire penser à un autre point aussi qu'il fallait pas que j'oublie. Actuellement, on a des consoles qui font un certain temps, un 3-4 ans, disons. OK? Et là, les développeurs de jeux font des jeux sur cette console-là et la console reste fixe. Mm-hmm. C'est toujours les mêmes performances, même processeur. Bon, tout reste identique. Et à côté, t'as l'ordinateur que t'as pas de limite. Au pire, tu changes une pièce quand que ça fait pas. Si ta carte graphique est pas assez forte, tu changes ta carte graphique. La console, ça nous garde dans un état statique pendant plusieurs années. Et là, il y en a qui se demandent si ça va pas causer un virage majeur des gens vers l'ordinateur, que ce soit les joueurs ou les concepteurs. Parce que les concepteurs sont toujours limités par la console. Et plus on avance vers la fin de vie de la console, il doit faire une fois le jeu avec en moins bonne qualité pour les consoles et le jeu en bonne qualité pour PC. J'ai l'impression... Puis là, je trouve que plus ça va et plus c'est une recette vers une catastrophe. Mais est-ce qu'on doit aller vers cette catastrophe-là pour pouvoir s'en ressortir plus tard? Mais j'ai l'impression que oui. Ça fait longtemps que le PC a toujours sa longueur d'avance. Ça fait depuis la fin des années 90. Mais ça fait des années que je parle d'une catastrophe à venir. Mais en même temps, finalement, ça vient pas. En même temps, c'est parce que les PC, se bâtir un PC, autant que tu vas entendre sur Internet que c'est pas vrai que ça coûte cher, ça a un prix qui est plus élevé que la console. Le rapport prix-performance d'un PC versus une console va à l'avantage de la console. Fait que monsieur, madame, tout le monde, ça en va toujours vers la console à quelque part. Puis on dirait que t'as pas la même, je présume, ambiance quand tu plugues une console qu'un PC. Parce que le PC, tu vas avoir tendance à peut-être multitasker, à ouvrir Facebook, à aller voir d'autres choses. T'es pas la même bulle d'immersion qu'avec une console que tu es comme bon, là, je vais jouer. Fait que je pense qu'il y a un petit attachement qui est relié, qui est pas nécessairement fondé, mais qui est relié pareil sur la console. Que quand je plug la console, c'est pour gamer. Ouais. Quand je suis sur mon PC, je peux tout faire. Je pense que les gens sont prêts à faire bien des compromis sur la console. T'sais, on l'a vu juste avec la petite Wii. Oui, à 100$ qui n'avait pas de connexion Internet, la 2DS qui ne se plie même pas. Oui, c'est ça. Ça marche quand même, les gens sont prêts à faire des compromis. C'est pour le prix, pour entre autres, parce que c'est moins cher. Et dernier point pour conclure, très rapidement, le dernier point, c'est aussi les jeux. Mm-hmm. On voit beaucoup une mode pour les jeux de tir, donc tous les fameux jeux de tir, que ce soit les Battlefield, que ce soit les Counter-Strike, là c'est The Division de Tom Clancy qui est très très populaire, Call of Duty qui n'arrête pas d'en sortir, et on dirait que c'est la grosse mode actuellement. Et ça, j'ai l'impression que ça va contribuer à un moment donné à frapper un mur. Est-ce que les gens vont se tanner de tout ça? Ou est-ce que les vrais gamers qui aiment ça, les jeux d'aventure, les histoires fantastiques, tout ça, est-ce qu'à un moment donné, eux, ça va les affecter que la mode soit trop à ces jeux-là? Ouais. Ça, c'est un autre des points qui me fait dire que ça pourrait mal aller à un moment donné. En sortir leur côté hipster, là, tout le monde aime ça, fait que je vais arrêter de jouer à ça. C'est ça. Donc bref, je continue à me tenir à l'écart des gamers d'aujourd'hui. Ouais. J'ai mon style, j'ai les jeux que j'aime maudit jouer. Snob. Et je peux me tromper, mais je trouve que moi, ça s'en va dans un mur tranquillement. Ouais. Mais comme j'ai dit tantôt, ça fait longtemps que je l'anticipe, on dirait que ça arrive jamais. C'est comme les sorties de jeux, c'est remis à plus tard tout le temps. C'est ça. Et même si les gens chialent, les gens achètent. Voilà. Je pense que c'est là le problème. Merci beaucoup. Fait plaisir. Denis Talbot, Pascal Forget, Phil Branch. On se retrouve dimanche. Merci Alex, c'est très content. J'espère vraiment que j'étais Denis, en tout cas. Peut-être, je sais pas. Non, Samuel Girard et Alexandre Marchand, pour vrai, merci beaucoup. On écoute Alexandre Marchand les mardis soirs à l'émission Matière Noire. On écoute. C'est bien les mardis soirs? Oui, ça plaît, ça. Et on écoute Samuel Girard à Génie en Liberté et partout ailleurs dans la programmation. Merci à vous deux. Nous, ça va être la fin de l'émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pendant entre 15h et 17h. On rappelle, jeudi à 14h. Voyons les heures aujourd'hui. Sur le Jockey, 6h30 à 9h30 le jour jeudi. Palmarès C'est Fou, mardi 15h. Programmation sur CIF.ca. Note de l'émission, balado diffusion sur assemblagejockey.com. L'émission audio massique suivra à partir de 17h de la part de toute l'équipe fictive et cette fois-ci, pas vraiment fictive du Mathieu Plante Show. C'était Mathieu Plante, vous avez été planté. Bye bye!